On accueille Claude. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir Claude. Sylvain. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. C'est Technomat, c'est super. Ok. Merci pour... Ah ouais, si vous avez des réactions à dire, profitez-en pour ceux qui ont vu Technomax. Ouais, super, super, c'est super. Instant, merci, super. Merci les LSQ, bravo. Merci les LSQ. Je suis pas LSQ, mais c'est beau, super. Max. Mité, Mitsuko, là. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Rita. Bonsoir, comme par hasard, on a Rita, puis on a Mitsuko. Ouais. Et on a Rita avec. Bonsoir. Rita, bonsoir. Bonsoir. Lucie, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Estelle, pour finir. Bonjour, Gégé. Salut. On a Rita, Mitsuko, c'est comme si on avait Gérard et Cousin, quoi. Comment J'entends mal. J'ai entendu un truc qui m'a pas fait plaisir. Rita Mitsuko, c'est comme s'il y avait un mec qui s'appelait Gérard et un autre mec qui s'appelait Cousin. Ouais, mon nom de famille, t'es prié de pas le dire à l'antenne, s'il te plaît, merci. Pas le dire, Gérard, que c'était ton nom, personne ne le savait. Moi, je savais pas. Cousin, je croyais que tu t'appelais Mangeline. Moi, je savais pas. Ouais. Comment, qui c'est qui vient de dire Mangeline maintenant? Non, mais j'ai dit, je savais pas que tu t'appelais Cousin, je croyais que tu t'appelais Mangeline. Oh, les voix de cochonne. Qui qu'on dit ça, là? Qui? Oh, les nanas, là, vous vous réveillez, là. Laquelle qui a été dire ça, là? Lui, c'est moi, c'est Lucie. Ouais. Merci, Max. Gérard, ouais. C'est Rita. Ouais. Je voulais donner mon avis sur Technomax, si tu permets. Ouais. On va faire le débat, les enfants, on en parlera. Vite fait, la dernière question pour Technomax, et après on a... Oui, Technomax... Ouais, d'accord. Elle était super, mais ça passe un peu trop tard. Ouais, mais c'est génial, quoi, Max, il était super mignon, Ouais, c'est super cool. Tout ça pour après pour essayer d'y parler en antenne pour qu'elle y envoie pour qu'elle... Non, mais tiens. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien compris de l'émission parce qu'avec une seule caméra, il y avait un mec qui était toujours hors du champ de la caméra. Il allait à gauche, à droite, donc j'ai pas compris le principe. En plus, quand je danse n'importe quoi, mais c'est rediffusé samedi. Non, mais il était hyper mignon, Max, c'était génial. Ouais, mais Rita, c'est bon. On va faire le débat, parce qu'il est 2h20 quand même. Ouais, 2h20, donc. C'est pas du tirage, c'est ça. Ah, mais ça y est, on a pas besoin. Ouais, mais ça y est, oui. C'est vrai que tu es plus tellement transpi qu'un pic cul, la veille violée. Claude, bonne nuit. Bonne nuit, Claude. Demain, Claude, ça t'apprendra. Voilà, comme ça, ça commence. Alors, je vous préviens, si vous voulez faire comme Claude, vous pouvez continuer, vous allez y aller. Alors, que pensez-vous des nanas avec une queue de cheval? Alors, on va commencer par Sylvain. Alors, les nanas avec une queue de cheval, donc, est-ce que je peux parler de mon cas avant? Bah, pour l'instant, tu réponds à la question. Bon, d'accord, je parle. Si ça te dérange pas. Bah, y a pas de problème. Bah, moi, je trouve ça très sexy, très sexuel. Hein? Avec un queue de cheval. Ouais, d'accord. En tout cas, il y a un truc, il y a un fait divers qui dit on a retrouvé un homme habitant sur Rennes avec une queue de cheval entre les dents et qui a déclaré. C'est bon, là, vous allez comme ça, là, les sauterelles. Hein. C'est pas terminé, donc on a retrouvé un homme habitant sur Rennes avec une queue de cheval dans les dents qui aurait déclaré. Bon, c'est bon. Voilà, il y en a une qui a un arrière. Un arrière de singe. Ouais, mais là, j'ai jamais eu de queue de cheval entre les. Sylvain, tout à l'heure, tu vas faire comme Claude, tu vas dégager au standard vite fait, toi. J'ai l'impression. Et avant d'ouvrir le débat officiellement, donc. Non, mais ça y est, il est joueur, je te souviens. D'accord. Dans le livre des records, on a pu voir un homme avec une queue de cheval mesurant plus de 17,5 ans. Et il avait de la chance. Voilà. Et on a retrouvé encore un homme. Merci, Estelle, hein. Alors, on a retrouvé encore un homme, comme par hasard à Suresnes, qui se lave les cheveux et la moustache à l'Adidas pour que ses cheveux poussent plus vite. Oh là là, ça m'a écoutant. N'importe quoi, ce vieux. Non, mais attends, je sais qui c'est qui a été chopé ce sondage-là, mais je voudrais bien savoir où. Il va me le dire tout à l'heure avant qu'il se prenne une grosse tarte. Mais pourquoi tu te sens visé, Gérard? On n'a pas parlé de toi. Il n'y a pas que Mitsuko, là. Mitsuko, oui. Ouais, Mitsuko. Bah, écoute, moi j'habite dans un appartement, donc un cheval, c'est pas très pratique. Que pensez-vous des nanas avec une queue de cheval? Max, s'il te plaît, tu commences pas. C'est pas moi, c'est l'autre derrière, c'est comment il s'appelle, c'est Olivier du téléphone. Olivier, arrête! Qu'est-ce que tu viens de dire, Sylvain? Bah, que penses-tu de Pablo? C'est ça la question. Non, c'est pas toi que je m'adresse, t'as déjà répondu. Alors, Mitsuko. Ouais, les queues de cheval, c'est joli, mais j'aime pas les queues de cheval basses, je trouve que ça fait non. Mm-hmm. J'aime bien les queues de cheval hautes. D'accord. C'est joli. Rita? Mon petit chou à la crème. Oui. Bon, c'est de l'escu, hein. Y a pas de l'escu, d'accord? Ouais, exactement, Vera. Alors, Je voulais dire que les queues de cheval, je trouve ça très ringard. Mm-hmm. Et je voulais te demander, toi, Gérard, est-ce que tu aimais les nanas avec des queues de cheval? Je répondrai une fois que moi, je voulais dire, excuse-moi, Gérard, je peux te couper. C'est Sylvain, moi, j'ai une queue de cheval et je recherche une fille avec une chatte de jument. Donc, je laisse les coordonnées hors antenne. Eh ben, très bien, ben, tu peux les laisser hors antenne, personne te ramènera. Personne ne te répondra. Hein. Personne ne te répondra. Hippique. Ouais, c'est ça. Lucie. Moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, alors je fais une petite queue de lapin. D'accord. Ok. Et Estelle? Ouais, les grandes queues, oui, mais les petites, ça vaut pas le coup. Bien dur, surtout. J'ai mal entendu ta réponse. Non, mais c'est rare. J'étais en train de boire mon café. Queues, ça vaut pas le coup. Bien dur. Oh là là, je... Mais si t'as pas beaucoup de cheveux, tu te fais qu'une petite queue. Mm-hmm. Ça fait ridicule. Bien sûr, vaut mieux une grande queue. Bien sûr. D'accord. Qui c'est qui voulait que je réponde C'est moi, mon tout le monde, tout le monde. Ouais, bah moi, je vais vous répondre. Alors, comme vous voulez que je réponde, normalement, je n'avais pas envie de répondre. Non, on n'a plus le temps. Quoi, on n'a plus le temps? Je réponds quand même aux questions, puis c'est tout. Donc, alors, je réponds que moi, je préfère les nanas qui ont une queue de cheval. Voilà, vous êtes contente? Et est-ce que tu aimes quand elles ont les cheveux gras? Non. Non? Pas du tout. Mais les grandes queues de cheval, Gérard, ou des petites queues de cheval? N'importe. Ça dépend de la taille des cheveux de la nana. Qu'est-ce que tu veux qu'elles te fassent avec leur queue de cheval? Bon, bah, non. Est-ce que tu veux qu'elles te fouettent? Non, pas du tout. Est-ce que je peux te fouetter avec ma queue de cheval? Moi, toi, Sylvain, tu. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit, toi. Est-ce que tu veux qu'elles caressent? Est-ce qu'elles pourraient l'entourer autour du coton-tige? Ouais, bah, qui c'est qui pose cette question? Ben c'est bizarre, là, quand je demande qui c'est de la nana qui pose cette question, il n'y a plus personne. Gérard, c'est Estelle. Est-ce que tu veux qu'elle te caresse avec? Ah, pourquoi pas. Ah. Ben, parce que t'as l'intention de t'en faire une, Estelle? Non, elle a un cheval. Non, mais laisse tomber, ça tombe de trop bas. Ça. Est-ce que tu aimes faire des queues de cheval à des filles? Ben, moi, je ne sais pas les faire personnellement. Non, mais c'est pas dur, Gérard. Tu m'as élastique et poil, c'est fini. D'accord. L'élastique dans le clito, ça doit faire mal. Bon, Sylvain, bonne nuit, ça t'apprendra d'être poli. Voilà, comme ça, je vais rester qu'avec les nénas. C'est ça le but, en fait. Ah, ben, si je viens de te dire de rester poli si tu veux rester, alors. Non, mais c'est ça le but, en fait, mais t'es un petit malin. Donc, tu restes poli, s'il te plaît. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Est-ce que les chauves peuvent avoir une queue de cheval? Les chauves? Oui, ils peuvent en coller une. D'accord. Ça aurait été la cocaïne. Mmh. Merci Olivier de mettre le double son en partant. Hein. Non. Il n'a rien fait. Non. Il a appuyé sur un bouton, il n'a rien fait, comme par hasard. Ouais. Donc Sylvain. Sylvain, tu réponds s'il te plaît. Ouais. Du monde. Gérard. Si les chauves, ils ont besoin d'une queue de cheval. Mitsuko, parce que là, pour... Sylvain, t'as du monde derrière toi, alors donc... Oui, on fait une teuf, là. D'ailleurs, t'es invité après. Mitsuko. Bien sûr que les chauves-souris peuvent avoir des queues de cheval, surtout si elles sont enragées. Mais moi, personnellement, j'ai peur des chauves-souris, donc... c'est une question que je te répondrai pas. D'accord. Gérard. Oui. Mon petit lapin en sucre. Oui, c'est qui? Manu, c'est quoi ces pétasses? Manu, tu sais quoi? Pétasse toi-même, d'accord? Non, mais attends, on parle, les cul, c'est quoi ce bordel? Rita. Bah, ça se voit qu'elles sont pas polies, moi je suis pas d'accord, hein, Gérard. Oh, Rita. Oui. Rita, tu te calmes, s'il te plaît, d'accord? Les cul, c'est quoi ce bordel? Tu te calmes. Si ça continue, ça va gerber. Ah non, mais c'est plutôt... non, Gérard, je suis pas d'accord. Hein. Moi, c'est pas en question. Hein. Mais non, il y en a une qui a la radio derrière. Non, mais il y en a une qui répète tout le temps. Lèche-cul, moi, ça va pas. C'est vrai que... Donc, on reste poli. Ok, la première... Ça va rester poli, ce mec qui te le dit tout de suite. Ouais, tu vas faire tout un fromage. Toi, Sylvain, si ça te plaît pas, tu vas dégager au standard, d'accord? Hein, déjà, c'est toi qui fais la top, c'est toi qui as du monde derrière toi. Donc, ça commence à suffire, ton bordel aussi. Merguez, parti, là. Bon, allez. Gérard, continue ton débat. Allez, hop, tu me sors Sylvain, tu lui dis que c'est soit qu'il arrête ou il rentre. Allez, hop. Rita, pour toi. Pour me présenter. Rita. Oui, Gérard. Donc, tu réponds, s'il te plaît. Bah oui, mon petit chéri, moi, je te dis que les chauves... Non, mais vas-y, réponds, toi, je sais pas. T'occupe pas de... Donc les chauves, Gérard, s'ils sont chauves, ils peuvent pas avoir des cheveux, quoi. Ils peuvent pas se tenir avec quelque chose, quoi. D'accord. Voilà. À part mettre des perruques, voilà. D'accord. Lucie. Oui, bah moi je t'ai dit, ils peuvent. Allô, je suis à l'antenne ou pas? Ouais, t'es à l'antenne. Allô. Je suis un nouvel auditeur, là. Est-ce que je suis sur l'antenne? Oui, t'es à l'antenne. Bienvenue. Bonsoir. Gérard. On accueille Simon. Bonsoir, Simon. À la place de Claude. Bonsoir. Salut Simon. Ça va, Simon? Je suis agent de sécurité dans un bowling, donc c'est pour ça qu'il y a de l'ambiance. Hein. Ok, merci pour la voix. Hein. D'accord, le chef là-haut. Et tout le monde va bien, là-bas? Dans un bowling. Ouais, t'es dans un bowling. Il y a de l'ambiance dans un bowling? Oui, mais bien, je t'ai répondu. D'accord. Estelle? Moi qui s'en fasse greffer une, je vois pas comment il pourrait faire. D'accord. Moi, j'ai empilé tous les codes à GG, je vais faire un strike. Bon, allez, Sylvain dehors. Hop, ça y est, celui-là, Sylvain dehors. Hop. Ok, ah. Ça y est, il est parti. Ce coup-là, t'es emmené pour lui, il avait fait de police. Gérard, est-ce que c'est vrai que quand t'étais petit, t'as eu ta première érection en allant au salon de l'agriculture et en voyant une queue de cheval? Attends, tu restes poli, s'il te plaît, toi, là-haut. Préférez-vous les queues de cheval ou les tresses? Simon? Oui. Ben non, tu te réveilles, toi, cette heure, tu l'as gerbé aussi, toi. Ferme ta gueule, je te dis, commande ici. Quoi cette ambiance, d'ailleurs? Tu demandes à Simon, là, ce que c'est que ce bordel, là, s'il te plaît, là, des klaxons? C'est pas lui, hein, Gérard. Ah non, c'est Allô. Pas lui comme ça. Non, non, non, c'est pas lui, non, je t'assure. Ah, attends, il y a quelqu'un là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça, c'est là-haut, hein. Max, il est avec un portable, il s'amuse là-haut. À mon avis, c'est. Ouais. Si. On va répondre? Ouais, alors Mitsuko. Bonsoir, réponds. Mitsuko? Ouais. Moi, c'est ni les queues de cheval, ni les tresses, c'est les couettes. D'accord. Je trouve ça beaucoup plus joli, comme facteur. Mais même, de toute manière, je pense qu'il y a une question qui va être. Qui est par rapport aussi avec. Gérard. On parlait le mec, moi aussi, mais c'est pas moi, je suis là. C'est qui qui s'amuse avec les klaxons, là? Je suis ici avec le bowling. Bon, allez, hop, Simon dehors. Simon dehors. C'est pas Simon. Ouais, c'est qui? Ah, ouais, ça peut pas être les nanas, hein, qui sont dans un bowling. C'est pas nous. Je suis là. Bon, alors Mitsuko, donc tu m'as dit... Ouais. Oh. Eh, Manu, s'il te plaît, tu me calmes, ça. Il est parti, Simon, là. Non, mais tu lui as un... Bon. Gérard, ça peut pas être lui, il est parti. Non, ouais, c'est... Ouais. Gérard. Oh, Gérard, tu es explosé de minute, en tout cas. Mitsuko, donc tu m'as dit que tu préférais... Je préférais les couettes, parce qu'en général, quand tu prends une fille et qu'il y a des couettes, tu peux la tirer par les couettes, c'est bien. Ok, d'accord. Rita? Moi, mon petit lapin en sucre, l'excuse. Ouais, Mitsuko, s'il te plaît, mais tu te calmes. C'est Gérard, et je vais répondre à Gérard. Mitsuko, attends, Rita. C'est Rita, mon petit chou, mon petit lapin en sucre. Oh, Mitsuko, tu te calmes, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as dégagé au standard. Ben, ouais, exactement. Hein? Alors, Rita, tu réponds. Moi, je préfère les tresses, hein, parce que ça fait un style indien, quoi, tu vois. Mm-hmm. Ça fait très aventure. Ça fait très calamitigène. Pas de l'aventure, tu vois. Ça fait très... Ça, moi, je suis une rebelle, hein, Gérard. Mm-hmm. Donc, ça fait très calamitigène, ça fait aventure, donc c'est mieux qu'une queue de cheval, quoi. D'accord. Gérard, attends, avant Lucie, on accueille Esteban. Hola, il appelle de Sylvain. Hola, où est-ce que ça se passe? Hola. Comment il se passe? Muy bien. L'appellation? Oui. Ah, Esteban, s'il te plaît, t'arrêtes un peu ton cirque, là. Écoute ça, c'est Philippe. Bon, tu prends l'antenne, tu lui dis qu'il arrête son bordel. Eh, hey, tu travailles pour lui ramener un dos. Il est parti, Gérard. Ah, ouais, c'est quoi, là, ce cirque, là? Il est parti. Ça commence à bien faire, là, tous les jeudis, avec ça au standard. Ah, le mec, Gérard. Lucie? Oui. Je sens que tout à l'heure, le débat, il va se terminer à 2h30. Oh non! Lucie, tu réponds. Oh, c'est quoi la bordel? Il n'y a plus personne, Gérard. Lucie, s'il te plaît, tu réponds à la question. Oui, alors moi, je m'en fous. En fait, ça dépend des fringues que je porte. Des fois, je me fais des couettes, des fois, des fraises, des fois, un chignon, des fois, j'en fais pas. Enfin, ça dépend. Puis je m'en fous. Tu peux faire non, c'est vrai que les tresses, c'est pratique. Quoi. D'accord. Quand tu fais pendant le zoom. Et celle? Je préfère deux grandes tresses que. Gérard, reviens! Une grande que je Gérard! Reviens, Gérard! Elle est partie où? Gérard, celui qui met de la musique, il s'arrête, s'il te plaît. Il est là, Manu. Ah, parce que les extraterrestres ont débarqué, hein. Oh, Manu. Tu ne peux pas débarquer. Ça y est, c'est bon. Bon, moi, si t'as trouvé. Non, bah, tu, je continue pas le débat sans savoir. Allez, bah, c'est allez, les 2h30 là. Et celle, donc, t'as répondu? Ouais, je préfère 2-13 qu'une grande queue. D'accord. C'est sûr, c'est bien. Gérard, rapproche-toi du micro, j'ai envie de te fermer sur la bouche. Bon, tu dégages le sang là, hein, Estomballe dehors. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est pas toi, bah non, si, c'est pas. Ils vont pas le savoir, c'est toi qui viens de dire ça, trop. Mais non, c'est pas lui. C'est pas la même voix, Gérard. Je parle seulement espagnol, non, moi. C'est pas lui. Alors, trouvez-vous normal que certaines personnes se passent des queues de cheval à leurs animaux? Ça, c'est une question complètement con. Je trouve ça dégueulasse. Bah, oui, c'est ça. Qui leur mettent des manteaux, des trucs comme ça. Mm-hmm. Non, mais ça, Je trouve ça débile. Mm. Ouais, ça, je suis de ton avis, hein. Ouais, bon. Je fais des traits sur la truie. C'est complètement débile, c'est vrai, mais c'est. Tu vois, il y a des maîtres qui aiment bien que leur chien leur ressemble, c'est pour ça qu'ils font des queues de cheval à leur petit chien, pour que leur petit chien leur ressemble. Tu vois, c'est ça qui ressemble à leur chien. Gérard ? Oui. C'est Rita, mon petit chou à la crème. Ouais, ben justement, ça. Bon, Mitsuko, qu'est-ce que je viens de te dire ? C'est pas moi cette fois-ci. Pouf ! Et Gérard, si la fille, elle t'appelle mon petit chou à la crème, est-ce que je peux t'appeler mon caca au rhum ? Eh ben toi, tout à l'heure, tu vas aller voir au standard, tu vas te faire une grosse crotte au standard. Gérard. Donc Rita. On peut pas. Oui, mon petit chou. C'est pas fiasse. Avec le roi de la répartie. Tout fiasse. Gérard, je voulais te dire, moi, je trouve que c'est hyper respectueux quand même. C'est parce que, par exemple, tu vois, moi, je fais des équitations, et pour les chevaux, quand il y a un concours, on tresse la queue, et c'est très joli. C'est très esthétique, et moi, je trouve que c'est hyper chouette. Hein. Rita, voilà. Lucie, je veux dire, pardon. Moi, bah, des fois, je fais des tresses à la truie, ou je rajoute des plumes à mon canari, je vais en remettre d'autres, c'est joli. D'accord. Merci pour celui qui passe sur tout le monde. Manu, s'il te plaît. C'est pas possible, il est parti. Il est parti, Gérard. Non, Gérard. Gérard, reviens. Gérard. Alors, Lucie, t'as répondu. On va faire la musique. Bon, Manu, s'il te plaît. Oui, Gérard, je t'écoute. Tu chopes celui qui a la musique parce que ça commence à me gonfler là. Est-ce que tu pourrais dire s'il te plaît? Wow, oui, ça te dérange pas. Je suis venu manger, Gérard. Tu sais. Bon, allons-y. Non, il n'est pas comestible. Donc Estelle. Méfie-toi, Gérard. Oui, bah, je pense que ça dépend avec quel animal, quoi. D'accord. Alien 5, Gérard. Là, il n'y a plus que les filles. Hein. C'est pour faire un test. C'est bizarre que la musique continue. Ah bah, donc c'est qu'une fille. Hein. C'est la logique. Ah, c'est la logique, Gérard. Il n'y a plus que les filles. Attends, je veux savoir. Mitsuko. Ouais. T'es pas un peu effrayé, Gérard. Il y a quelqu'un qui te menace. Non, mais Mitsuko, c'est toi qui as de la musique? Ah non, pas du tout. Rita. Non, c'est pas moi, Gérard. Lucie. Non. Et Estelle? Oui, c'est moi. Gérard, tu me connais quand même. Non, c'est pas Estelle. C'est moi. Ça, c'est quelqu'un qui s'amuse à passer sur tout le monde. Faut voir, mais il y a toujours le dit. Il n'y a plus qu'une fille, Gérard, regarde. Gérard, qu'est-ce que tu as, Gérard? Ça, c'est Mitsuko. Non, c'est pas moi. Et il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer à l'antenne, Gérard. Non, mais c'est pas grave. De manière, je vais bientôt finir si ça continue. Non, tu peux poser la question, Gérard, s'il te plaît. Peut-on aussi avoir des queues de cheval ailleurs qu'en France? Voir des queues de cheval ailleurs qu'en France? Non. Oui, il y en a. Oui, qui? Lucie. Oui, Lucie. En Espagne, t'as des queues des caballos. En Angleterre, t'as des queues des horses. En Allemagne, t'as des queues des schnackveux. En Italie, t'as des queues des cavalli. Enfin, ça dépend du pays où t'es. Ça, on change, c'est sympa. D'accord. Mitsuko? Ouais, ben, je sais pas s'ils jouent au tiercé, au quarté, au quinté plus dans les autres pays. Mais en tout cas, ils ont aussi des queues de cheval. D'accord. Exactement. Rita? Moi, mon petit chou, hein. Lèche cul. Non, ça commence à bien faire, ceux qui s'amusent. Fais tasse. Fais tasse. Bon, c'est bon, Donc, je te dis, mon petit chou à la crème. Lèche cul. Poufias. Donc, Gérard te disait que c'est, je pense que c'est intergalactique. Hein. D'accord. C'est dans le monde entier, ça touche tous les coins de la Terre. Hein. Même sur la planète des singes, hein, Gérard. D'accord. Et pour finir, la colombe? Bah, dans tous les pays, ils ont des cheveux longs, donc bah, ils peuvent se faire des queues aussi. Hein. D'accord. Et croyez-vous que les couettes ou les queues de cheval nattes sont plus belles... croyez-vous que les couettes ou les nattes sont plus belles que les queues de cheval? Non, mais pour l'instant, vous avez entendu la question? Non, t'es où, là? Gérard, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Croyez-vous que les couettes ou les nattes sont plus belles que les queues de cheval, là? Donc, Mitsuko? Oh non, ça dépend de la forme du visage, à mon avis. Quand on a un visage plutôt rond, je pense que en fait, c'est joli. Enfin, j'en sais rien, tu vois, ça dépend de la morphologie. La qualité de la voix avec les couettes. Bon, celui qui vient de faire ça, là, le mec, il y a un mec que tu n'as pas annoncé. Il y a un mec donc tu le vires. Si c'est quelqu'un qui s'amuse à passer comme ça sur les autres, tout le bien. Eh Gérard, est-ce que c'est vrai que t'es comme les dégâts et que t'as pris l'habitude d'uriner sur les meufs et que c'est pour ça que Christine et Carole se sont cassés? Allez hop, c'est bien, tu le sors. Gérard, je cherche où il est, hein, parce que là, il y a une fille à l'entrée. C'est introuvable, on n'a pas raté la radio. Gérard, c'est moi qui commande ici. Si t'es pas content, tu raccroches et tu rentres chez toi. Ferme ta gueule, femme de fou. Bonne nuit à tous. Gérard, reste avec nous. Gérard, remets ton casque. Gérard, reviens. Pas envie de répondre. L'espèce d'enculé qui vient de dire. Ça y apprendra. Le mort va te manger. Voilà, comme ça, ça y apprendra. Tu peux répondre. Donc, Rita. Oui, mon petit chou. Lèche cul. Pétasse, connasse. Bon, Gérard, je te réponds. Moi, je trouve que les couettes, ça fait super chouette. Ça fait très Walt Disney. Et les nattes. Comment? C'est surtout Spice Girl. Ouais, mais les Spice Girl. C'était la mode l'année dernière, Gérard, les couettes sur les nanas. Ouais. Donc c'était super fun. Et donc les nattes, comme je l'ai dit, ça fait côté aventurière, très chouette. Et c'est que de cheval, ça fait très sage, ça fait très nonne. D'accord. Donc voilà. Okay. Mais Gérard, dis-moi, est-ce que t'as déjà, t'es déjà sorti avec une nana qui portait des couettes? Non, pas. De toute manière, attends, laisse-moi après. Ok. Je vais répondre quand même après. Okay, je vous répondrai et je vous dirai ce que j'en mais pense. Mais est-ce que ta fille aime les couettes, Gérard? Ben, attendez. Okay. Laissez-moi finir. Il reste Lucie. Oui. Ok. Bah moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Manu, s'il te plaît, essaye de trouver qui c'est. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est que Gérard, ça? Gérard, il n'y a plus que les filles là à l'antenne. Regarde. Il n'y a plus que les filles, Gérard. Ça commence à bien faire. Gérard, il n'y a plus que les filles. Dieu. Je suis toute seule chez moi, j'ai peur. Estelle, Lucie, Rita, Moussouko. Mais qui c'est qui est là, on attend? Eh ben on attend. C'est pas à l'antenne, on attend, Gérard. Ah, mais c'est qui là? Tu peux le mettre? Gérard, c'est Iti qui débarque. C'est un belge. Non, non, mais attends, pourquoi? Parce que ça, c'est les mecs. Eh ben j'ai dit. Ah, y'a plus que les filles là. Donc, Lucie. Gérard, j'ai peur. Ouais, c'est rien, vas-y, réponds, Lucie. Gérard, j'ai très peur. C'en est qui s'amuse, là. Défends-nous. Non, non, mais c'en est qui s'amuse à se trouver joli, c'est comme ça. Donc, Lucie. J'ai peur, hein. Gérard, attention, t'as des poils qui poussent. Lucie, tu réponds, s'il te plaît. Je sens que ça. Bon, allez. Hop. Sur ce, bonne nuit à tous, vous allez retrouver bas. Non, ça va vous arrêter derrière ou quoi? Vous êtes ma gueule ou quoi là? C'est tous les jolis. Non, Gérard, reviens. Mais toi, tu te calmes là. Non, tu te fous de ma gueule là. Abruti, va. Allez, tu mets un disque. Non, Gérard, c'est Lucie qui a débarqué, donc là, il est reparti, hein, c'est bon. Alors, Gérard, Lucie, tu réponds, s'il te plaît. Je vais pas répondre à la question, moi, encore. Lucie. Oui. Lucie. Oui, oh, tu veux que tu mettes les doubles sons là ou quoi, toi? C'est Dieu qui me parle? Voilà, Lucie. Oui. Moi, je suis toute bouleversée après tout ce qui vient de se passer. Moi, je préfère les couettes. Parce que j'aime bien cette vie. D'accord. Estelle? Moi, je préfère les couettes et les traits qu'on en a deux pour le prix d'une. Les couettes et les? Et les traits, soit. Comme je préfère. D'accord. Moi, je me fais des tresses au pubis. Hein? Qui c'est qui vient de dire ça, là? Je fais aussi des tresses au pubis. Ok. Si on me donnait le choix par rapport à une nana que je voudrais bien rencontrer et qui si je pouvais, eh ben, je préférerais trouver une. Un deux. Des nattes. C'est plus beau. C'est plus beau. Ah ouais, exactement, Zéra. C'est plus beau. Je me fais souvent des nattes. C'est qui dit ça? C'est Estelle. Mais moi, je préfère les nattes que les queues de cheval ou les couettes. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Gérard. Tu sais, les fers, les nattes. Non. Gérard, oui. Moi, j'ai une longue chevelure et j'adore les nattes, donc je te permets de venir me faire une natte. Tu. Salope. Pétasse, salope, connasse. Hé, hey, oh, Rita, s'il te plaît. Rita. Sans merde. Oh, Rita. Oui, Gérard. Hé, pour l'instant, c'est à moi que tu viens de dire que je t'emmerde. Non, c'est pas ça, c'est à Pétasse. Ouais. Elle arrête pas de balancer des insultes. Non, s'il te plaît, hein. Oh, hey, c'est bon, Il y a un truc sur Mita, j'aurais pas aimé. Vas-y. Ça fait pas plaisir. Vas-y. Clint qui dit ferme ta gueule, gros con, excuse-moi le coton-tige, et si t'es gentil, je te foutrai ma queue de cheval. Celui-là, comme il est vachement poli, bah, qu'il aille se faire sodomiser ou que je pense. Comme il est du quel département? Département 77, H22. Ah bah dans ce cas-là, il y a un numéro de téléphone. Oh. Donne-le à Manu, on va l'appeler. D'accord. Ah bon, on l'appelle. On va s'amuser à l'appeler celui-là. Allez, on y va. On y va. En direct live. Ouais, tiens, il a intérêt de... From Sun Radio, Gérard is going. Oh là. Ok. Donc tout le monde a répondu à la question. Ouais. Donc apparemment, il y en a qu'une qui m'a dit qu'il aimait les couettes et les queues de cheval. Là. Donc je vais faire mon tri après. Hein. Non, mais tu rêves, là. Oui, je rêve. Qui sait qu'ose me dire que je rêvais? Qui sait qu'ose me dire que je rêvais, là, des filles? Peu importe. Moi, j'aime bien les couettes et les queues de cheval aussi. De qui? Ben, Mitsuko, je l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Estelle, toi... Toi, Estelle, c'est les nattes et les couettes. Les couettes et les nattes, ouais. Les couettes et nattes, ok. Et toi, Lucie? Ouais, les nattes et les tresses. Ouais. Rita, t'as répondu? Ouais, mon petit chou, c'est les nattes. Et ça permet de me pousser mes cheveux, hein, d'accord. Mitsuko. Et moi, je me fais aussi Moi, je préfère les tresses et les couettes. D'accord. Moi, je me fais aussi des tresses au pubis. Qui sait que c'est du 6, ça? Ouais. D'accord. Alors, quand vous croisez une nana avec une queue de cheval, vous rigolez? Bah oui, c'est évident, évidemment, c'est marrant. Personnellement, moi, je rigole aussi. Hein. Bah ouais, t'es pas de rire. Je rigole. C'est clair, quoi. Donc, on l'a, la broutille là, qui m'a traité. Bien sûr, c'est un peu numéro. Comme d'habitude, hein. Les mecs, vous en avez derrière le minitel, mais quand on vous demande de laisser des numéros, là, vous n'importe quoi. C'est vraiment des dégonflés, hein. Ouais, dégonflés, là. Allez, en cela, ils ont vraiment du fric à foutre en l'air, hein, enfin. Dégonflés. Donc, Mitsuko. Oui. Donc, pour toi, est-ce que tu rigoles quand tu vois une nana qui a une queue de cheval? Bah, tout à fait, rien que de t'entendre en parler, c'est très rigolo. Ok. Rita? Maintenant, Non, mais c'est bon, vous arrêtez, s'il vous plaît, là, il n'y a que les nanas, donc vous allez pas vous prendre la tête ensemble. Il y avait les nanas parce qu'on accueille Tristan. Oui, Tristan. Tristan, salut. À la place d'Esteban. Tristan! Rita! Oh, mais qu'est-ce que c'est quoi là? Oh! Ça vient pas de moi, hein, Gérard. Hé, hey, Olivier! Y a plus personne en ligne là! C'est Rita! Bon. Gérard? Oui. C'est Rita! Mon petit cheveu à la crème! Oui. Donc, moi, tu sais que c'est tout à fait normal hein, de voir une nana avec une queue de cheval, hein, ça n'avait pas à rire. Hein. Donc, c'est tout à fait normal, donc voilà. D'accord. Et il est réveillé, là, Tristan? Oui, je suis là. Ah, ben, mon petit cacao rhum. Fais gaffe, reste poli, parce que... Donc, moi, je voulais dire que les filles en couette, ça m'excite beaucoup. Ouais. Parce que j'ai vu Pocahontas plein de fois, en tapant des queues. Sur l'écran. Et franchement, c'est un bon trip, quoi. Je le conseille à tous les adolescents qui nous écoutent de... T'as raison. Mais, tu peux me dire quel âge que t'as? Moi, j'ai 20 ans. Je vis de Paris. Ouais, bah dis donc, j'ai dit un jour, tu conseilles ça aux jeunes de 12-13 ans, toi. Évidemment, il faut qu'ils se vivent aussi, pourquoi pas. Dis donc. Vraiment, t'as vraiment rien dans la tête, hein, mon gars. Ouais, mais j'ai tout dans le cul. C'est vrai que Pocahontas, c'est un vrai film de cul, quoi. C'est dégueulasse. Lucie. Montrer ça à des enfants, c'est... Lucie. Quand je t'envie du cul, ça m'excite. Oh, Tristan, s'il te plaît, tu te calmes un petit peu, mon con. Pocahontas, salope. Ça me fait rire de voir une fille en queue de cheval, évidemment. Ça me fait rire de voir une fille en queue de cheval. Donc, Lucie, est-ce que ça fait rire, toi, de voir de croiser une nana qui a une queue de cheval? Ça fait rire de voir une fille en queue de cheval. Non, mais imagine la situation. Tu croises une fille en queue de cheval, t'es capable de rire. Ouais, okay. Franchement, non, mais quelle idée. Et toi, la colombe? Moi non, je rigole pas, j'aime pas me moquer des gens. Non, ben c'est comme moi alors. Moi je, pourtant j'ai un petit sourire, mais j'irai pas à m'éclater de rire dans la rue. Hein. Filard, si on pouvait mettre un disque un peu là, parce que on est déjà à la 7e. La BO de Pocahontas, si vous avez. Tout à l'heure, on va mettre la BO des Pocahontas que tu as dégagé au sang, tu vas revirer au standard. Mais ça sera pas la première fois. Non, ben ça sera jamais que la deuxième toutes les semaines, hein. À peu près, ouais. Ok, donc qu'est-ce qu'on s'écoute là, Philippe, s'il te plaît? Hein? On n'écoute rien. Alors, pourquoi on s'écoute? Et la fille dans la. Il y a 12 questions, hein. Les titres, c'est près depuis longtemps, hein. Et la chienne dans les centres. Ouais, la fille dans le bossu de Notre-Dame. Elle est hyper vulgaire, on dirait que j'ai pas vu celle dans Hercule, elle est pas mal aussi. Ah ouais? Ouais, c'est qui là qui parle? C'est Rita, mon petit chou. Ouais. Je vais l'avoir. Oh non. Bon, et Tristan, tu me le sors là, s'il te plaît? Donc, une huitième question, comme je demande à dire, si personne veut. Moi, je m'en fous, s'il y a 3 heures, le débat est terminé, j'arrête. Hein. Comme ça, ça ira vite fait. Huitième question. Quand la nana, pour l'amour, j'ai envie de te claquer la rondelle. Je ne sais pas. Et personne. Et plus personne. Non, non, mais là, ça commence à bien faire. Hein. Tu m'as vu dans les chiottes de la loco. Attends, c'est quoi? Il n'y a plus personne. Bon, et moi, j'arrête de terminer. Bonne nuit à tous. Ton pire cauchemar. Comme ça, mais attends, c'est où ce mec, Manu? Bah, écoute, c'est... J'ai envie de t'en contenter. Donc on écoute le petit poussin avec des poils et je vous retrouve tout de suite après pour la suite de la Libre Antenne. Laisse-moi. Donc Christine, on le rappelle, c'est l'ex de Gérard. T'as eu à un moment donné, t'as failli partir avec Gérard pour te marier avec lui. Ouais, heureusement je suis pas mariée avec lui. Voilà. Et en fin de compte, j'ai appris par Gaël que... Connerie. Quoi? Quoi? Ouais, on te demande ça, on te demande pas de mettre la DAT de Christine de tout à l'heure. On te demande pas de mettre le truc de Christine. Ah, c'est le disque. C'est le disque, oh, c'est ça. C'est quoi? C'est le petit poisson avec des poils. Merde, c'est quand même pas compliqué de le mettre que des conneries là. Et on peut avoir un bruit de service numéro 5, c'est bon aussi, hein. Eh ouais, donc vous venez d'écouter les petits poussins avec des poils et donc on reprend la suite des débats. Donc on va accueillir Linda, bonsoir. Allô Gérard. Oui, bonsoir Gérard. Linda. Bonsoir. Tristan, donc j'espère que tu es réveillé, celui-là depuis tout à l'heure. Oui, je suis réveillé, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Julia. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Rita. Bonsoir. Bonsoir. Lucie. Bonsoir. Lucie. Bonsoir. Et la colombe des Zimbabwe. Bonsoir, bonsoir, j'envoie disparition. Voilà. Que des femmes, que des filles. Eh ouais, ben c'est normal. Pour ce débat-là, c'est quand même la majorité des nanas qui l'emportent sur les hommes. Moi, je prends les 4 filles, je te laisse, Olivier. Ouais, ben, tout à l'heure, Christian, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre ça avec toutes les nanas, tu vas dégager si tu dis des conneries comme ça. Ouais, mais je m'en irai avec elles. Ouais, non, mais tu t'en iras tout seul dans ton lit, d'accord? Quand les nanas. Bon, tu me laisses continuer bien le débat? Bien sûr, bien sûr. Quand les nanas font l'amour, retirent-elles leur queue de cheval? Oh. Donc on va demander, comme il y a un mec, on va laisser quand même le sexe fort. Ouais, le sexe fort, t'as goûté ou quoi? Mais alors, comment tu sais que j'ai le sexe fort? Bah, de toute manière, t'es le seul, alors t'es un mec. Ouais, c'est clair. À moins que tu fasses passer pour un travaux, mais ça m'étonnerait. Non. Alors, à ton avis? Non, dis pas putain, parce que tout à l'heure, tu as... Mais quand tu me parles, après, j'oublie le fil de la question. Oh non, mais je répète pas la question, là, t'as très bien entendu. Est-ce qu'elles enlèvent leur cul de cheval? Non, c'est tellement stupide que... Est-ce qu'elles enlèvent leur cul de cheval quand elles vont dormir, c'est ça? Oui. Pour faire l'amour. Non, c'est vrai que ça pourrait gêner. D'accord. Si elle remue comme ça de la tête. Ça fait mal à la tête. T'écoutes très dans la tête, c'est pas trop agréable. D'accord. Linda? Bah, ça dépend de la position. Moi, je préfère la garder parce que quand on prend le vrai, ça permet de m'attraper bestialement, quoi, je préfère. Ouais, bah, là, c'est vraiment... C'est plus faire de l'amour en t'attrapant par la queue de cheval, c'est vraiment du truc vraiment très dur. Ouais, peut-être pour toi, mais personnellement, moi, tu vois, la nana, je voudrais pas qu'elle garde sa queue de cheval en faisant l'amour avec moi, parce que j'aime pas déjà trop les queues de cheval, je préfère les nattes et les couettes. Donc, les queues de cheval, tu vois, c'est encore un truc que j'éviterais de faire l'amour avec. C'est bien. Pour les cowboys, ouais. Queues de cheval. Je peux répondre ? Julia. Ouais, moi, je crois qu'il faut garder les queues de cheval, parce que sinon, quand tu suces un mec, ça le gratte. Avec les cheveux lâchés. Attends, là, j'ai mal entendu, j'ai mal compris la réponse. Mais quand tu lâches tes cheveux, ça le gratte quand tu le suces. Moi, personnellement, ça me gênerait pas trop. Ouais, bon. Oui, c'est Julia. Je peux vous le prouver quand vous voulez, hein. Ouais. Non, c'est chiant parce qu'on en a plein la bouche. D'accord. Ouais. Bon, Rita. Maman. Non, mais c'est bon, vous allez pas recommencer avec la musique derrière, là. Tristan! Non, c'est pas moi, à mon avis, c'est un mec de la radio. C'est pas Tristan, hein, Gérard. Gérard? Là, c'est sûr. Hein. Oui, mon petit chou! Gérard. Ça, c'est quelqu'un d'ici. Rita! Rita, s'il te plaît. Eh bien, tu me fais les doubles sons dans les oreilles, là. Ça devient lourd avec toi, hein, de travailler le chevillon. Ouais, d'accord. Rita, tu réponds. Rita, tu réponds. Rita, je suis pas là. Attends, tu veux. Moi, sur Twitter, là, tu vas retirer tout le monde. Je peux m'étendre. Un mec qui est derrière, qui s'amuse. Il est parti, mec. J'ai l'impression. Il règle bien sa... Au moins qu'il règle bien sa voix. Lucie. Oui. Donc tu disais. Moi, je te dis, je la garde parce que quand je fais une feuille de rose à mon mec, ça gêne pas. Et la colombe, en feuille de rose, c'est là. Manu, je te jure que. On n'entend rien, le micro se coupe de Gérard. On n'entend pas du tout. Attends, t'éteins ton micro, Gérard, ou pas? Tu l'as éteint? Il allume en plus, alors. Ça marche pas, hein. Ah non, tape pas dessus, Gérard. Tape pas dessus. Ah non, fais gaffe. Alors. Allez-y, les enfants, parce que si vous déconnecterez avec Gégé, moi je vais m'énerver. Je vous ai déjà demandé qu'on fasse plus comme la tête d'un fond de Gégé. Max, vite ta bouche. Ouais, vite ta bouche, j'en parlais. Max, c'est adorable quand tu parles comme ça. C'est que le Max, c'est super. Allez, lèche-cute. Oh, Vita, là. Allez, Gérard. Gérard, c'est Vita, oui. On n'entend rien, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est des missions qui sont très bien, qui mangent pas de pain. C'est qui parle? C'est Gontran? Non, mais c'est bon, attends. Allez, Gérard, pose ta question. La colombe, Ouais, je t'entends, Gérard, vaguement. Bah, je te répondrai quand j'aurai fait l'amour pour la première fois. Oh, la pucelle. C'est mignon. Ouais, ça qui Qui est vierge? Rita. Non, non, c'est Estelle. T'as quel âge? Et t'as vu comment tes idées, c'est dégueulasse. T'as quel âge? 20 ans, Max. Combien? 20 ans. Oh, je sais que c'est un de tes grands fantasmes. Ça, c'est clair. Ouais. Mais ça s'arrêtera pas en fantasme juste d'une nuit. Hein, mais... Non, mais n'ayez crainte, il attend le prochain débat qui va porter sur la virginité. Ça sent pas très bien, en tout cas. T'as les... J'ai et Max, qui va me tuer là-bas. Max, c'est Estelle. Oui, Estelle. Oui, ma copine. Oh là là. Max, tu m'entends? Oui. C'est moi qui suis vierge. Bonne soirée. Mais c'est les extraterrestres qui ont débarqué, je sais pas ce qui se passe. Mais qui c'est qui parle? Alors, où est ton chien, Gérard? Enlève-moi, Manu. Montre-nous ton gros toutou, Gérard. Mais c'est qui, c'est ici qui parle ou quoi? Gérard, il a une petite queue de cheval. Oh, bah, Je salue, ça vient du studio de pro. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Attends, tu vois, comme par hasard. Hey, j'ai que des nanas. Non, il y a un mec, c'est le mec. Je l'ai viré. C'est le mec. Eh, mais ça peut très bien être. Salut, Attends. C'est mes parents. Comme par hasard. Et voilà, tu le mets hors antenne. Après, il va croire que c'est encore la peau, comme la fois, il croit que c'était moi. Alors, tu te calmes, s'il te plaît. Là, tu le vires carrément, c'est lui. Voilà. Oh! Ah, voilà! Max! Estelle, arrête un peu! Max! Oui! C'est encore là, je voulais dire que t'es beau, Max! C'est beau! T'es un star, mais vraiment, Max, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais qui dit ça? Non, il est trop mec, franchement. C'est Rita, non? Oui, c'est Rita! C'est bien ton genre de dire ça. Comme ça, Max, je t'emmerde! Je dis quoi? Moi, je te parle du fond du cœur! Mais qu'elle veut dire, Max, t'es beau! Bon, Gérard, et je parle! Moi je dis que Max il est trop maigre et il n'y a rien à bouffer dessus. Ouais. Et bah c'est beaucoup mieux. Hein. De toute façon, si tu travailles pas à M6, t'as aucune chance avec Max. Oh la pêche, j'ai pas envie de te causer à la mer, alors tu la fais. Mais qu'est-ce que j'ai dit, Gérard? Regarde, tu t'écrases. Allez, Gérard. Gérard, c'est où? On t'entend plus. Gérard! Ah ouais, voilà. Je sens que je vais vous prendre tous hors antenne, là, les nanas, et je vais vous calmer, sinon vous allez gerber. Et qu'est-ce qu'on a fait, Gérard? Je le sens. Gérard, on t'entendait plus, alors on comblait l'antenne avec Max. Neuvième question, pourquoi que les mecs ont aussi une queue de cheval? Alors, Linda. Linda, s'il te plaît. Linda, oui, s'il te plaît. Oui, je suis là. Quand tu travailles, hein? Oui. Alors, tu peux répéter la question? Oh non, mais t'avais qu'à travailler, hein? Pourquoi que les mecs ont aussi une queue de cheval? En fait, je pense que ceux qui portent une queue de cheval, c'est un but phallique, en fait, je crois. Mmh. Mais pourquoi? Ah ouais, carrément. Et toi, tu... Ils doivent être frustrés, les fesses, tu pues. Ils guettent et pour s'attraper, ils font grand chose. En croyant que les... Mais tu m'éteins ton bordel là-haut. Allô? Ouais. Donc, Julia. Ouais, c'est pour faire plus drag queen, tu vois, le soir, ils lâchent leurs cheveux et on croit que ce sont des vraies nanas, en fait. Bah, je suis comme tout le monde. Rita? Ouais, mon petit chou. C'est pas bien, tu t'arrêtes avec ton bordel lors des débats, là. Non, mais tu l'éteins, ça. Donc, Gérard, oui. Je te disais, moi, je pense que les mecs bordés que de cheval, c'est pour se donner un genre. Hein. C'est-à-dire attendez, pas tout ça à la fois. C'est-à-dire bah, une langue. Bah, c'est-à-dire, they want to be American. Mmh. Ils montaient sur moi, c'est tout. Non, mais n'ayez crainte, c'est ce que l'autre... Mais t'as coupé un pied dans ton cul. Non, mais c'est un truc qu'ils ont refait, là, le temps que j'arrive, et c'est menteur, Christine. Menteur. Non, mais attends, ça vient de d'elle, alors j'en ai rien à foutre. Lucie. De quoi? Lucie, pour toi? Eh ben, pour moi, plus la queue est longue, plus la queue est courte. D'accord. Et toi, la colombe des îles Bagouet? Ben, moi, ils montaient sur moi, c'est tout. T'es monté sur la colombe? Non, mais ça, c'est... Ah, non? Mets ta coton-tige dans son cul. Dans le cul. Bon, t'arrêtes ça quand je fais mes débats, s'il te plaît. Gérard, ça commence à bien faire là avec ça. Gérard, oui. Pourquoi on n'entend pas les mecs? parce qu'il y en a plus, parce que Gérard n'en veut plus, il en veut plus à l'antenne. Ah ben on veut du Gérard. Ceux qui a pas. Ok. Ça là-bas. Voilà, merci. Donc, la colombe en voie de disparition, j'ai pas entendu ta... Ouais, donc qu'est-ce que je viens de te dire ? D'arrêter ton bordel, là. Bah, il montait sur moi. Ils ont le feu de bain, là, maintenant. Gérard, tu fais chier. Mais il pique ça. Non, c'est pas toi, c'est ça. Eh ben, c'est toi qui t'as mis à l'allumer. C'est Dark Vador. Bon, alors, SL pour finir, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Il est 3h08, je vais arrêter à 3h30, comme ça, ça va aller vite chez moi. Bon, bah, pour moi, c'est un fantasme. Oui. C'est parce qu'ils ont une toute petite, alors les rêves de la grande ta coquillette. Non, d'accord. C'était quoi la position préférée de GG? Bah, il montait sur moi. Bon, les conclusions. Conclusion sur les quelques vins, ça termine. Gérard, et c'est bien comme position, ça, GG. Et puis après, ben, on fera une petite tardeur de l'hypothèse, on arrêtera. Je vais voir comment ça se passe pour la... conclusion. Alors, Linda, conclusion, on recommence, allez. Linda, conclusion sur les deux débats, si tu t'as entendu les deux. Linda. Linda. Elle est plus là. Oui. Oh, elle est où, Linda, là? Linda. Oui, je suis là. Linda, elle est partie, là. Oui, Gérard. Ah bon, ben, d'accord. Gérard. Julia. Oui, mais écoute, c'était un débat formidable. J'ai eu mal à force de rire. C'était vraiment très, très grand. Non, mais les deux, hein, je te parle. Oui, si t'as écouté mais les deux. J'ai beaucoup ri. Bon, on a un peu dérivé à la fin sur le thème des cotons-tiges, mais bon, je veux dire qu'une bonne queue de cheval, bien faite, il n'y a que ça de vrai. Ouais, le débat sur les hétéros, je préfère. Hein. N'importe. Voilà. Ritam moi, mon petit choix à la crème. Oh, Olivier, qu'est-ce que tu me fais, là, de couper tout le monde, là? Simplement, tromper le bouton. Rita, donc. Oui, mon petit chou. Donc, je vais dire que moi, je voulais faire d'abord un historique sur la queue de cheval. Hein? Mmh. Donc, il faut savoir que l'origine, c'est du latin. Keus, c'est Keus. Mmh. Donc, en fait, c'est qu'avant, Gérard, les femmes préhistoriques avaient des queues de cheval. D'accord. Et depuis, donc, la mode... en fait, la mode vient de la préhistoire. Hein. D'accord. Lucie. Oui. Donc, pour toi. Moi, j'ai bien ri aussi. Sur les deux débats. Le premier un peu moins, mais j'ai bien ri, quoi. C'est bien. D'accord. Pourtant, t'as participé aux deux, toi. Oui, en partie, ouais. Mmh. Enfin, pas en entier, le premier. Ouais, ben, ok. Et toi, la colombe? Ben, moi, j'ai trouvé que c'était un débat riche en rebondissements, en révélations, en émotions, et puis j'ai appris plein de trucs, et puis c'était vachement chouette. Ouais, comme t'as fait les deux, toi, t'as été jusqu'au bout, hein. Voilà. En plus, ça. Donc, t'en as pensé, t'en déduis quoi, là, des deux débats que t'as fait Petite cochonne. Tu me diras les deux mecs, là, qui viennent de l'insulter, j'aime pas trop ça. Bah, c'était pas des insultes, c'était mignon, hein. Ouais, mais peut-être, mais j'aime pas... J'aime pas qu'on dise ça, d'accord, j'aime pas... Ça m'a pas fait plaisir. Donc, moi... Et tu serais pas un peu jaloux, Gérard? Je suis très jaloux. C'est vrai qu'on peut s'y foutre en plus comme mec. Ouais, et je suis très jaloux. Ouais. Merci, Olivier, pour les deux blessons encore. Et Olivier, là, ça commence à bien faire maintenant. T'es pas content de moi? Oui. T'es pas content de moi? Non, pas du tout. Alors tu m'éteins le double son que j'ai dans le casque. Ça me fait pas assez plaisir. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir ce que tu fais. Ça me fait vraiment pas plaisir. Donc, SL, tu disais que si que je suis jaloux, oui, je suis très jaloux en plus, toi. En plus. Ouais, mais là, regarde, là, je suis vierge. Si demain, je t'annonce que j'ai trouvé un mec qui a réussi à me déplucer, tu serais pas content? Non, là, c'est pour toi. Pour toi, c'est. Olivier, merde! Gérard, c'était toi. Gérard. Et si c'était toi? Ouais. C'est Rita. Ben. Oh, les merdes, Olivier, je viens de dire! Gérard. Oh, qu'est-ce que je viens de te dire, là, je viens de dire? Ouais, il faut me demander. Ouais, ben, oui. Je voulais te demander, j'ai deux questions, hein. Oui. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu sais danser le twist, le tango, le rock, le rap cha-cha. Et la salsa des chiottes aussi. Et la salsa aussi. Oh, man. Et la danse du poireau. Est-ce que tu sais danser tout ça, parce que les filles adorent les mecs qui savent danser, hein. Moi, personnellement, non. Donc, Linda... J'ai une autre question, Gérard. Hein? J'ai une autre question. Oui. Je voudrais que tu nous dises comment t'as rencontré Christine. Comment s'est faite ta rencontre avec Christine? Ben... Alors vas-y, réponds, Gérard. Ça se fait par l'intermédiaire de la radio, voilà, c'est tout. Ah bon? Voilà. Non, mais attendez, on est en train de faire un gros pas sur moi. Est-ce que ça a été le coup de foudre? Mais tu peux continuer à répondre. Non, mais pas forcément. Donc, Et la colombe, tu disais, t'as osé me dire quoi comme question? Comme je t'ai dit que j'étais assez jaloux. Non, mais je t'ai dit si je rencontrais un mec, et puis bah, comme je suis vierge, si je couchais avec lui, je serais jaloux. Ça dépend. Quand ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de qui c'est. Il y a Kim Kamel qui te demande est-ce que c'est vrai que tu aurais rencontré Christy dans un magasin de coton-tige. Non. voilà ce que je peux te dire. Et puis après, t'as dit vaguement. Ouais, donc faudrait pas que ce soit un mec que tu connais. Ben, pourquoi pas? Ben non, ben là, tu serais jaloux sinon. Ben, ça dépend qui tu rencontres, ouais. Vera, et si c'était toi? Ah ben moi, si c'était moi, ça me dérangerait pas du tout. C'est Henri. Hein? Si c'était Henri. Qui c'est qui dit ça? Ben, Essel. Ouais, ben là, peut-être pas. Je serais peut-être pas content non plus. C'est ça, Henri. Gérard, oui. J'ai une question, c'est Rita. Oui, Rita. Je voulais te demander, est-ce que tu es câlin avec les femmes? Oui. De toute manière, je pense que même Estelle peut te répondre, parce que j'ai marqué pas mal de trucs sur une lettre, et elle peut te répondre vachement là-dessus. Ouais, mais dis-nous, nous on veut savoir, hein. Mais c'est bizarre, parce que Christine a dit que t'étais pas du tout câlin, que tu lui faisais jamais, voilà, jamais aucun préliminaire, tu ne jouiais pas. Et elle dit que t'aimais bien... Ça, de toute manière, elle a dit ce qu'elle voulait. Moi, dément. Donc moi, je, de toute manière, je... Oui. Je dément donc tout ce qu'elle a été dire, c'est faux. Bah alors, dis-nous la vérité. Est-ce que c'est vrai que tu envisages d'offrir pour la Saint-Valentin une boîte de coton-tige à Christine? Ouais. Alors là, tu vois, je préfère offrir des roses et un cœur à... Des roses avec des cotons-tiges, non, dis, je préfère offrir quelque chose d'autre. Sympa. Non mais ça j'en ai rien à foutre. Il paraît que t'en as en plus dans le... Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Donc je démonte donc ce qu'elle a été dire. Donc je suis très câlin et très très affectueux. Ah, alors on t'aura tout fait, mon pauvre Gégé. Ça se finit comment, Gérard? Est-ce que tu caresses les cheveux? Bah oui, hein. Ah ouais. Le mec qui s'amuse à parler. Non. Tu mords jamais? Non. Est-ce que tu grognes? Non plus. Même quand tu jouis? Non plus. Est-ce que tu mets la queue? C'est un signe d'amour, Azera. C'est un signe d'amour quand on mord la personne. Qui c'est qui dit ça? C'est Rita, mon petit chou. Est-ce que tu mets la queue quand t'es content? Qui c'est qui pose cette question? Qui c'est qui vient de poser cette question? Non, mais alors là, je vais te dire une chose, non, pas du tout. Et toi, Estelle, t'as pas une question à me poser? Ah bah, je t'en ai déjà posé pas mal, hein, avec Gérard. Ouais. Est-ce que tu t'enfonces avec le doigt, le coton-tige? Bah, arrêtez avec ça, parce que... Ah, c'est vicieux, ça, c'est vicieux, mais c'est non, mais attends, ma colombe. Là, ça commence à bien faire, arrêtez de... Arrêtez cette histoire de coton-tige, ça commence à être lourd et ça commence à m'énerver. Est-ce que t'es plusieurs à la fois? De quoi, Estelle? Si tu faisais faire l'amour avec une femme, tu commencerais par quelle position? La normale. Gérard. C'est quoi la normale? La peine à ordure. Bon, toi, tu dégages. Gérard, c'est quoi la normale? Casse-toi, là, ça y est. Gérard, Christine a dit que tu connais que c'est qu'une seule position. Est-ce que c'est vrai? De toute manière, elle a été dire que je lui montais dessus, mais elle a déjà monté. Elle s'est déjà monté dessus. Oui. Donc, qu'elle dise pas de mensonges comme ça à la radio. Alors, Gérard, il y a une qui te demande, qui te pose une question. Est-ce que tu vas être capable d'y répondre? Je suis pas sûr. Quel est le plus lourd, 1 kg de coton-tige ou 1 kg de plume? De plume. D'accord. Ah là là. Et est-ce que tu connais la position du coton-tige? Non, j'en ai rien à foutre. Tu t'enfonces les coton-tiges avec un applicateur. Il paraît que tu t'enfonces dans la chatte de la main. Bon, d'accord. Gérard, j'ai une question. Oui, qui? Mérite à mon petit chou. Oui. Donc, je voulais savoir, quel est le dernier cadeau que tu as fait pour la Saint-Valentin? Le dernier cadeau pour l'instant, à qui? Cette année, j'ai pas eu l'occasion de faire de cadeau. Alors, le dernier que tu as fait? Le dernier que j'ai fait, ça a été un cœur. Un cœur, mais en quoi? En un cœur comme ça, avec une carte postale. Bon, Gérard, c'est Tony, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir ce que tu fais pour le réveillon de Noël, là, et de la Nouvelle An, parce que j'aimerais m'incruster. Pour l'instant, j'ai rien de prévu, à part si ma petite colombe est parmi moi, je préfère passer Noël et jour de l'an avec ma colombe. Je pourrais venir avec Christine? Non. Gérard? Oui. Qui veut me parler? C'est Rita. Oui. Est-ce que tu lui as déjà fait? Je voulais te dire, parce que c'est une question un peu comique, hein, donc tu réponds. Hein. Je crois qu'on va se marier, donc. Est-ce qu'il faut rigoler un peu, hein? Ouais, vas-y. Ouais, ok. Donc, je voulais savoir si t'étais une femme, Gérard. Mm-hmm. Une femme. Hein. Mmh. Ouais, bah, vas-y. Est-ce que tu sortirais avec Max? Oh non. Et avec toi? Oh le pauvre. Et avec toi? Alors Gérard. Et non, je viens de te répondre. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà horreur des femmes avec des grosses poitrines. Non, d'accord. Comment? J'ai horreur des femmes aux grosses poitrines. Ah, c'est pas ça, Gérard. Donc Gérard n'a rien compris. Ouais, c'est pas grave. Gérard. Il y a pas compte, il parle. Oui, SL. Bon, ouais. Mais t'as répondu à ma question, Gérard. Attendez, 5 minutes, oui, là, question minitel. Yacine, t'es sur minitel que Gérard, chez lui, c'est plus un coton-tige qu'il a, c'est un croton-tige. Oh là là. Pauvre tâche. C'est pas grave. SL. Tu pourrais ouais, essayer. Pour toi, c'est quelle taille, hein, d'une grosse paire de seins? Plus gros que j'ai pu connaître, c'est 95 D. Ouais, mais pour toi, c'est à partir de quelle taille, gros seins? Bah, 90 Ouais, donc t'aimes pas mes seins? Ben, je les ai jamais vus, donc je peux pas te le dire. Ouais, mais même sous les vêtements, ça se voit, quoi. Non, mais de toute manière, t'en as, ils sont normales, ils sont bien, même. Bah, oui, c'est largement sont... plus grand que ce que tu viens de dire. Ouais, non, mais c'est pas grave. Tu veux remettre ça à toi, Gérard? J'en ai pas, alors. Mais Estelle et toi, vous sortez ensemble, là? J'ai pas compris. Ah bah ça c'est une question. Vous êtes bien le cochon. Hein. Alors vas-y, ça, réponds. Ça c'est une question que faut bah, déjà si c'est celle qui décide, c'est pour moi. Je laisse la priorité à Estelle. Estelle, est-ce que tu vas te faire défoncer par Gérard? Bah pour l'instant je sais pas trop, je vais voir. Je viens de me faire larguer par un type qui a été parfaitement odieux avec moi, donc j'attends de voir, et puis bah, quand je serai mieux dans ma tête, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas du tout le genre de Gérard d'être odieux, donc je pense que tu pourrais être heureuse avec lui. T'as des cotons-tiges chez toi? Ouais, j'en ai plein, moi. Non, mais c'est bon, Olivier, t'arrêtes avec cette histoire de cotons-tiges, parce que je commence à en avoir. Il risquera pas de te larguer. Hein. Moi, chez moi, j'ai des paramines. Il paraît qu'il va ouvrir une boîte de nuit qui s'appelle le cotons-tiges. Oui, là, je me le sac, parce que je commence à me gonfler, lui, Denis. Gérard, oui. C'est Rita. Non mais attendez, parce que moi, celle, elle a dit que, donc pour l'instant... Ah bah elle a pas dit non, hein. Mais j'ai dit que pour l'instant, j'étais bien toute seule, quoi. Après, je verrai. D'accord. Et tu voudrais peut-être aussi que je te donne ma réponse en direct ou par courrier? Non, mais en direct, en direct, en direct. Ah, hein, allez, Gérard. Et celle, tu la veux comment? T'as rien demandé. Et celle, oui. En direct, Gérard. Et celle, oui. Tu la veux comment, la réponse? En direct, maintenant, tout de suite. Go. Hein? Tout de suite. Vas-y. Non, mais tu me retires tout le monde sauf Estelle. Oh. Parce que si tout le monde me parle en même temps, je peux pas écouter Estelle. Oui. Alors Estelle. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te la dise maintenant en direct ou par courrier? Maintenant en direct. Ah. Ben, si tu me laissais le choix. Oui. Eh ben, je te dirais oui tout de suite. D'accord. Ouais. C'est satisfait. Satisfaite de ma quand réponse. Quand tu lui laisses pas le choix, il te dit non. Non. Même, de toute manière, elle sait très bien que pour l'instant, j'y ai écrit une lettre assez longue et j'y ai dit pour l'instant comment on va procéder. Donc on va pas pousser mes mères dans les orphies. On va aller. Chaque chose en son temps. Voilà. D'accord, Estelle? Impeccable. Voilà. Elle est de Paris, Estelle? Non. Mais non. C'est celle qui est venue le jour de ton anniversaire qui a fait 130 bornes. Pour venir. Laquelle, c'est qui? C'est... Elle est venue à deux débats de Gérard avec... Mais non, c'est pas la grosse... Merci Max, c'est gentil. Non, c'est pas Max, c'est Olivier de la Pro qui a dit que t'étais... Oh gros. Non, c'est merci, pas... Merci Olive. C'est pas la petite... Elle est mignonne, elle est mignonne. Si, c'est celle du département. De 28. Qui? D'Evreux? Ouais. Du côté de Chartres. Oh, tu vas me la piquer? Ouais. Je te l'ai déjà piqué, je te signale. Ah. Sortir avec elle? Ouais, elle est venue déjà deux fois à la maison. Oh! T'es déjà venu à la loco? Bien sûr, elle est venue. Une fois, oui, je l'ai vue une fois, oui. Il est con ce mec ou quoi, là? Peut-être qu'on te revoit. Là, elle vient jeudi. Elle vient jeudi, elle me coupe les cheveux. Elle vient faire les deux débats avec moi à mes côtés. Sans déconner. Oh! Bon, cette fois-ci, tu vas dormir à la maison, alors? Chez toi? Ouais. Ouais, pourquoi pas? Ouais, merci, Estelle! Mais non, mais c'est qu'une question de pratique, déjà. Ouais, non, mais c'est pour éviter qu'elle rentre, qu'elle soit trop fatiguée, en tout bien tout honneur. Ouais. Mais non, mais elle repartira le lendemain matin en train. Non, non, c'est bon, elle va passer dans l'après-midi avec moi. Non. Sinon, on ira à la loco direct. Non, mais elle peut pas vendredi venir à la loco. Non. Ah, finalement, tu peux maintenant. Non, je peux pas. Mais si, tu dis. Hein? Elle peut pas venir la semaine prochaine. Si tu me demandes gentiment, Max, je viens. Bon, bah, s'il te plaît alors. Oh, viens, ma petite colombe, tu me sens pas plaisir pour moi. Elle va connaître les chats par cœur. Ouais, non. Elle va rester à mes côtés. Non, ma colombe. Ouais, je vois. D'accord. Tu me dis ça par courrier, hein, alors. Ouais, ouais. Plutôt des cotons-tiges emmenés. Ou sinon, tu m'appelles avant. Ouais. Tu me donnes un coup de... De bip. de November. Ouais. Et prends le coton-tige dans le cul, hein, pour bien, pour venir. Non, Gérard, Gérard, pose le marteau. Gérard, calme-toi. Je te jure, là. Attends, je vais prendre une bouteille. Allez, Gérard, c'est beau. Gérard. Attends, c'est un truc électronique. Ah ouais. Gérard, tu te calmes. Oui, ma petite colombe, je vais me calmer alors. Bien. Pour toi, je ferai tout ce que tu me demandes. Tu pourrais d'un coton-tige en plus. Tu me casses avec ça alors. Elle a un mec ou pas? Non, elle est toute seule maintenant. Elle est pour moi. Ouais, elle est pour moi. Pour moi plutôt. Non, non, toi, attends, t'as coupé ton micro, tu vas voir. Hop, voilà, elle est pour moi. Donc, tu disais? J'avais qui? Tu disais quoi? J'avais qui? C'est bon, j'ai coupé son micro. J'ai coupé son micro, tranquille. Et tu viens quand alors? Tu viens quand alors finalement? Jeudi. Jeudi, d'accord. Ouais. Tu dors pas chez Gérard? Non. Ok. Non, tu dors chez Max. C'est M6, Fun Radio. Cool. C'est Gérard. Tu dors chez Max? Oui, je vais dormir chez Max. C'est ça ma colombe. Non, c'est bon, elle dort plus chez toi. Elle dort ouais, chez toi. Occupe-toi de ton. Elle va dormir chez Max parce qu'il est bon, toi, je te dis de dégager. Il travaille à M6, Fun Radio. Ouais, bah, allez, c'est bon, là, les lèches-cul, c'est bon. Non, je vais dormir chez Max parce que Gérard, je ne fais rien avec lui. Gérard, oui. Je peux poser une question à Max. Bon, bah, s'il veut vous répondre. Max, tu veux répondre? S'il veut répondre clairement. Ouais, bon, bah, voilà, je voulais savoir si Max était une femme. Est-ce qu'il s'intéressait à Gérard? Oh, il y a de fortes chances, oui. Il y a de fortes chances, oui. Mais tu t'intéresses déjà quand t'es une femme, hein. Non, si Max était une femme, est-ce qu'il s'intéressait à Gérard? Oui, c'est quelque chose de. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Mais moi aussi, j'aimerais poser une question. J'aimerais savoir, étant donné que mon tuning t'a dit quand même. Et que je suis chroniqueur à FN tous les jeudis, est-ce que tu pourrais me rémunérer? Me donner un petit quelque chose? Attends, toi, je t'ai déjà dit de dégager plusieurs fois. Écoutez, je parle au monsieur qui a plein de sous. Ouais, ben, monsieur qui a plein de sous, moi, je t'ai déjà dit tout à l'heure, ouais, de dégager. Tout à l'heure, oh. Mais Manu, qu'est-ce que tu me fais, là? S'il te plaît, là. Alors, ça y est. Gérard, oui. Je veux savoir s'il y a une fille hyper moche, hyper ouais. grosse, et qui est folle amoureuse de toi, Christine. Est-ce qu'elle oh, s'il vous plaît, oh. Non. Tu sortais pas avec elle? Non. Alors, comment tu veux que la fille sorte avec elle? Ah ben, de toute manière, pour l'instant, je l'ai déjà dit comment que je la voulais, donc... Mais t'as dit que si elle était grosse et qu'elle était belle de l'intérieur, tu sortais avec elle. Hein. Non. Alors maintenant, tu finis, Zéra. Alors, non, oui. Pas d'accord. Non, mais j'ai toujours... Attends, j'ai jamais dit... Mais non, tu commences à te la péter ou quoi, là? Qui c'est qui me dit ça? C'est Rita, mon petit chou. Non, mais attends, ma cocotte... Non, mais parce que... Attends, la dernière fois, t'as dit qu'une fille... C'est pas nécessaire qu'elle soit belle de l'extérieur, elle peut être belle de l'intérieur. Ouais. Et maintenant, si tu te poses la question, tu dis non. Alors, Ouais, j'ai le droit. Alors, si elle est hyper moche, hyper grosse, est-ce que tu pars avec elle? Je te préviens, je te surveille. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oh là là, la voix, celle-là. Qui c'est qui vient de dire ça? Cochonne. Qui c'est qui vient de dire ça? Qui c'est qui vient de dire que y a pas que les abrutis qui changent pas d'avis? C'est Lucie. Mais tu sais qu'est-ce qu'il vient de dire? Mettre un coton-tige dans son cul. Exactement. Allez, il est terminé, donc... C'est à qui le rire? Ça fait des bons, la carrière comme ça, là? Non. Ah, j'adore ce... Non, c'est Rita. Donc voilà, Rita, donc... C'est pas comme ça. C'est qui demande, c'est qui pose cette question? C'est Max, donc... Max, il est hyper beau, hein, je le redis. Je suis pas l'escu, hein. Non, t'es à peine. Max, il était beau avec les cheveux longs. Bon, c'est allez. Qu'il aime bien? Ah non? Ouais, t'as coton-tige dans son cul. Vous allez retrouver Bart pour la nuit sans pub, Lorenzo et Ginny à 6h. Ouais. Non, et Gérard, tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non? Ouais. Mets ta coton-tige dans son cul. Non, arrête avec ça, ça commence à me... Oh, c'est drôle ce soir. Ouais, ma mère, ça me fait chier, moi, aussi, d'entendre ça sans arrêt. Surtout, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Mais coton-tige, ouais. Si ça te fait chier. Non, mais même... Ah. Alors, la conclusion, donc, Gérard. Bah, donc, conclusion des deux débats. Donc, j'ai trouvé que c'était bien par le deuxième que... Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Non. Mets un coton-tige dans le cul. Ouais, je l'ai pas dit. Qui c'est qui rigole comme ça? C'était Rita. Ah, c'est joli. Ah, merci, Max. Max, c'est hyper beau, hein. Ouais, c'est pas Werner Schreier, mais c'est quand même beau. Hein. Heureusement, parce que je le trouve pas beau, alors. Donc, hyper beau, hein. Ouais, c'est la beau, conclusion quoi. Des deux débats, donc c'est dommage que le deuxième débat a toujours foiré comme d'habitude. Mais c'est pas ça, Gérard, il était vachement bien son deuxième débat. Si je prends de la coke, je vais grossir ou pas? Non, tu vas. Non. Faut que je fasse quoi? Que je bois de l'alcool? De l'alcool, oui. Non, prends de la cortisone. Non, des gros. Et tu oui. Tous tes fringues parce que je t'ai trouvé hyper bien sapé. Ah, mais c'est pas moi qui me sape. C'est quel le créateur? Werner Schreier. Ah. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non. Mettre la coton-tige dans son cou. Ça, mais... ça commence à me faire chier ça maintenant. Bon allez, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine. Ouais. Et sans ça la semaine prochaine. Et Olivier, pas de remix sur Christine. D'accord. Non, non, parce que sinon, si j'entends une fois dans la semaine, je viens pas aujourd'hui. Oh non. Non, non, ah, mais c'est trop obligé de venir. Non, tu verras, Lucas, c'est légal. C'est non, Gérard. Oui. Alors, tu nous as pas dit qu'est-ce que tu pensais de Technomax. C'est Richard qui pose la question. Je l'ai pas vu, hein. Ah. Je verrai samedi et je lui dirai lundi, je viendrai le voir. C'est quoi les débats de la semaine prochaine? La semaine prochaine, donc, les thèmes du débat sont... La virginité et... Les chauves-souris. Le ronflement. Ah oui, le ronflement, oui. Ah, deux histoires, il me reste encore 3 minutes avant de conclure. Deux histoires. Mais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non. Bon, tu m'arrêtes ça, sinon je ne fais pas les histoires. Vas-y, j'arrête. Mets un coton-tige dans le cul. Allez. Alors, quelle est la ressemblance entre un parachute et l'humour? Qu'est-ce que? C'est quoi? La ressemblance entre un parachute et l'humour. C'est que j'ai qu'est-ce qu'il aime bien? Ah, non. Mets un coton-tige dans son cul. Moi, ça me fait pas rire. Hein. Oh, non. Ça me fait pas rire. Alors vas-y, ton histoire, c'est quoi? De toute façon, il y a ta petite chérie d'Evreux qui t'écoute, qui va te consoler la semaine prochaine, qui va te faire un beau massage. Ouais. Alors quelle est la ressemblance entre... Moi aussi, hein. Ah, parachute et l'humour, toi tu vas te faire foutre. Gérard, parce qu'après il va être jaloux. Oh là là là. Tu dors chez moi, hein. Oui. Oh, je préfère la faire. Oh là là. Tu la laisses à moi. Bien sûr, on se laisse tonner. D'accord, pourquoi sucer cette trompette? Hein? Sucer cette trompette. Oh, on va commencer ensemble. Alors vas-y Gérard, ton histoire c'est quoi? Ouais, alors quelle est la différence entre... Quelle est la ressemblance entre un parachute et l'humour? Mais c'est pas ça, oh là là. C'est quoi? C'est la... L'envol? Hein? L'envol? Non. La jambe gauche? Non. Je sais pas. Le bec? Quand on en a pas, on s'écrase. Qui c'est qui voulait me répondre ça avant? Moi. Qui? Oh là là, d'accord, on va rien. T'as un prénom avec qui tu es. Alors vas-y vite le deuxième message. Et quel est le pluriel du train? Des trains. Le pluriel de train? Des trains? Non. TGV? Non. Gérard? Non. Loco? Non. Ça est pas mal. Rail parce qu'on dit un train déraille. Voilà, terminé. J'ai qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non? Mets ta coton-tige dans son cul. Comment ça m'énerver avec ça? Ah ça va, si on commence, ça va, on a de la... Si on commence à l'énerver avec ça, il y a de la marge. Ouais mais attends, mets ça tout seul. Non mais c'est fini, attends, après c'est terminé, hein. Je veux dire, si Olivier fait un remix, je lui casse la gueule. Hein. Peut-être demain on exclut, mais vraiment... Non. Tu me mets de marge, je viens pas à la loco. Evreux, tu viens demain? Non, jeudi. Pourquoi? Bah, demain, je peux pas, je bosse. Oh, allez, ah, demain bien. Soir. Et en plus, c'est une infirmière, comme ça pourra... Je sais, elle va me faire des petits pansements. Je suis une infirmière pour l'instant, s'il te plaît. Qui c'est qui a osé dire des cotons-tiges que je pensais, là? Je sens que celle-là qui a été dire ça, elle va pas m'avoir au standard. Gérard, donc le résumé, la semaine prochaine, on peut le dire. Donc résumé, débat sur... La virginité et sur les ronflements. Voilà, et puis on sera quand même demain soir tous ensemble. J'espère que vous aussi, Paris Région Parisienne, à la loco pour l'anniversaire de Jean-Marie K. Et je serai, et beaucoup de gens y seront. Déjà, on te remercie pour ce débat. Merci à vous, mesdemoiselles. De rien, Max. Et puis, je pense à la semaine prochaine. Oui. Voilà. Ok. On vous embrasse. Gérard, petite conclusion, deux mots vite. Bah, conclusion, c'est que c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il aime bien? Que ça a été passé sans arrêt, comme ça. Non. Tout le monde va se foutre de ma gueule. Tous ceux qui me connaissent vont se foutre de ma gueule. Alors, je vais dire une chose, c'est super, continue comme ça. Oh, ça. Pour rigoler. Oh, non, mais il y a quand même des limites. Bon, alors, conclusion. Conclusion, c'est que... Sympa quand même. C'est le deuxième qui a toujours foiré, donc... Le deuxième, il a foiré. Ouais, mais c'était rigolo, tu l'as bien mené. Disons qu'on sent que tu maîtrises maintenant le média radio, quoi. Donc voilà. Okay. Donc, voilà. Bonne nuit. À la semaine prochaine. Ciao. Si tu avais les cheveux longs, tu te ferais une queue de cheval? Qui pose cette question? Julia. Non. Pourquoi? Non, parce que j'aime pas ça. Ça fait... Moi, je trouve que ça, c'est pas tellement beau sur un homme, une queue de cheval, c'est tout. Alors, si t'avais les cheveux longs, tu te les laisserais détacher? Hein? Si t'avais les cheveux longs, tu te les laisserais détacher? Ah non, j'irais chez le coiffeur régulièrement, je te le dis tout de suite. J'aime pas les cheveux longs, déjà, là, ils commencent à pousser un peu trop, donc... Je vais sûrement aller chez le tondu dans peu de temps. C'est le tondu. C'est rare. Et c'est rare. Oui. Je voulais dire aujourd'hui... aujourd'hui la mode, en fait, les nanas, mmh. elles adorent les mecs qui ont pas de cheveux, hein, qui ont le crâne rasé. Oh, mais ça tombe bien. Qui ont le crâne rasé, hein. Elles ça tombe bien parce que j'en ai pas. J'ai pas un poil sur le caillou. Est-ce que tu pourrais sacrifier ta chevelure pour une nana? Attends, mais t'as vu la forme de tête qu'il a aussi? Attends, Rocco, tu t'écrases, s'il te plaît, d'accord? Donc tu réponds, Gérard. Alors moi, c'est toi, Rita, qui a posé cette question. Oui, c'est moi. Eh ben, moi, je vais te dire une chose. Tu vois, j'irais pas sacrifier ma chevelure pour une nana, hein. Rocco, tu t'écrases parce que tout à l'heure tu as dégagé vite fait, ça va. Ta crinière féline. Bon, allez, bonne nuit. Moi, je trouve vachement plus beau coiffé à la brosse. Qui? Ouais, esthète, comme plaisir laisse. Bah ouais, bah, de toute manière, j'ai toujours été coiffé les cheveux à l'arrière, c'est ça que tu veux dire, Estelle? Non, droit sur la tête. Non, moi j'ai toujours. Je préfère en arrière maintenant. Gramouillé. Ouais, mais moi je te dis que tu serais vachement plus beau avec les cheveux tout raides sur la tête. C'est-à-dire? Ben un peu à la Ricky Martin. À la brosse. Ah ouais, comme un j'ai pas une tête d'hérisson encore, hein? Ah bah, un petit peu quand même. Gérard? Oui. Gérard, c'est Rita. Oui, Rita. Vous avez deux petites questions. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà teint les cheveux? Non. Et chez quel coiffeur tu vas? En fait, tu vas souvent chez le coiffeur ou pas? J'y vais une fois tous les trois mois. Tous les trois mois? Tous les ans. J'y vais une fois, j'y vais trois mois. Trois mois par an. J'y vais une fois tous les trois mois. Quand je vois que c'est trop long, j'y vais. Comme là, la semaine prochaine, je vais avoir les cheveux coupés. Et quand il va chez le coiffeur tous les trois mois, c'est pas pour les couper, c'est pour faire un shampoing. Non, je demande à Christelle sur Minitel. Gérard, je te trouve génial. Tu me fais vraiment jouir. Continue à parler, je trouve ta voix super sexy. Christelle, tu laisses ton numéro. Dans ce cas-là, on te rappellera pour finir. Même si tu as les cheveux sales. T'es un coiffeur ou une coiffeuse? Je m'en fous, personnellement. Que ce soit un mec ou une nana, j'en ai rien à cirer. Un mec, quand même. Non, je préfère plutôt une nana. Voilà. Tu fais quelque chose quand elle te nettoie les cheveux? Qui c'est qui dit ça? Estelle, si elles ont des ongles, ça fait quand même mal à la tête, oui. Mais quand elle te caresse la tête en te faisant un bon petit shampoing et tout, ça te fait quelque chose? Attendez, 5 minutes, Rita, s'il te plaît. Pas spécialement, non. Et quand elle te taille les cheveux en brosse, est-ce qu'elle te met un couteau-tige dans le fion? Bon, alors, Rocco, tu dégages, bonne nuit à toi. Gérard? Oui. C'est Rita. Oui. Je voulais te demander, mais pourquoi tu ne vends pas à Max de t'amener chez ta coiffeuse? Parce qu'elle le rend hyper beau, hein. Et ouais, Max, j'adore sa coiffeuse. Alors, pourquoi tu ne vas pas avec Max? Non, mais moi, de toute manière, si Estelle s'est coupée les cheveux, moi, je veux bien que tu me les coupes, Estelle. Très bien, quoi. Non, mais Gérard! Gérard se dit, pourquoi tu vas pas avec le... Mais Rita, je viens de parler. Mais Rita, j'ai le droit de poser une question. Ouais, mais tu m'as pas répondu, Gérard. Bah, mais pourquoi que je vais pas chez le coiffeur à Max? Parce que Max, il habite trop loin de chez moi et c'est tout. Et je vais pas chez les coiffeurs des autres. Donc, je vais... Non, mais lorsque la coiffeuse de Max... Rocco, se dit de te la fermer, s'il te plaît. Non, mais je te demande si t'as les moyens d'aller au coiffeur. Parce que lui, attention, il va dans les quartiers chics, hein. Ouais, c'est pas coiffé par les cheveux par un coiffeur. Monsieur est sur M6. Attention, il a une émission à lui, hein. Non, mais ça y est. Devant la caméra, il parle, il chatte, hein. Le monsieur, il parle de techno, hein. Ferme ta gueule. Ouais, Rocco, tu vas t'écraser, je t'ai déjà demandé. Je voudrais qu'on arrête de parler de la soirée. Attention, que Rocco, ça serait pas Arnett ou Tony. Ouais, si, c'est Tony. Ah, Tony! Ah oui! Tony, tu le dégages! Bonne nuit! Bonne nuit! Donc, alors, je disais donc, je reprenais, je récapitule. Je répète depuis le début que je demandais que si Estelle savait couper les cheveux, qu'elle vienne me les couper, ça me ferait bien plaisir, voilà. Bah, mais tellement si tu les veux à la Ricky Martin. Ah bah, attends Rita, s'il te plaît. Coupe-la à la Max. Tu rêves. Ouais, je peux te les faire à la Max. Non, mais moi je demande à Estelle. Ouais, tu rêves. Pas de problème, je viens jeudi prochain et je te les coupe. D'accord. En direct. Donc... Oh, minute, Rita. Donc, je vais pas chez le coiffeur avant. Non. D'accord. Non, bah non. Mais t'as ce qu'il faut, c'est toi, il faut que j'amène. Ah, t'amènes? J'amène. T'amènes les ciseaux, t'as quand même le shampoing et le démêlant? Ah, bah, j'ai le shampoing, ouais, mais le démêlant, j'ai pas le démêlant, c'est quoi ça? C'est quoi le démêlant, Colombe? Bah, c'est un après shampoing, quoi. Ah non, j'ai pas. Pour attirer les cheveux. J'ai pas ça. C'est pour rendre les cheveux plus doux. Et t'as de l'eau? C'est pour t'enlever le gras que t'as dans les cheveux. T'as de l'eau chez toi? Ouais, bah oui, quand même. Merci, Estelle. Hein, t'as de l'eau chaude? Gérard, oui. C'est pas moi qui t'ai demandé si t'avais de l'eau. Gérard, oui. Chérie, je voulais te demander, est-ce que t'as jamais eu l'idée d'aller chez un visagiste? Il pourrait trouver une super belle coupe. Hein. Un paysagiste. Un visagiste. Non, non, mais attendez, vous allez pas me déguiser en sapin de Noël aussi, non? Non, mais Gérard, est-ce que t'as jamais eu cette idée? Il pourrait te trouver une coupe super sympa. Hein. Non, non, c'est pas possible. Non. Chez un toiletteur pour chien. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est pour rire. Qui c'est qui vient de... Qui c'est qui osait dire ça? C'est Rita. C'est qui a dit ça? C'est Rita. Non, c'est pas Rita. Hein. C'est qui vient de dire ça? C'est Julia, mais c'était pour rire. C'est qui? Julia. Ah bon? C'était pour rire. Ah bon, j'espère, hein? Oui. Ah, Gérard? Oui. Je voudrais faire une déclaration. Oui. Moi, je suis pas d'accord que Sun te fasse pas amener chez un visagiste ou chez un coiffeur. Hein. Non, mais j'ai déjà ma coiffeuse attitrée maintenant. Ça y est? Non, mais ça coûte aussi la coiffeuse de maintenant. Eh oh! C'est toi qui parle comme ça? Non, il recommence encore avec son truc là-bas, lui. Tu m'éteins ça, s'il te plaît, Olivier. Je continuerai pas le débat, donc on continue. Vous avez d'autres questions à me poser? Ouais. Linda, par exemple. Est-ce que tu te coupes les ongles? Je les mange, oui. Ah. En plus. Les ongles aussi? Et les ongles des pieds? Et les ongles des pieds aussi, ouais. Non, mec, ça va, hein. On sait que t'es beau sur M6, c'est pas la peine d'en rajouter, hein. Ah ouais, c'est super beau, hein. Parce que j'en connais ce soir qui vont parler que de ça, puis tu vas voir les chevilles bien enflées pour l'anneau. Mais t'as coûté un tige dans son cul. Tu viens me retirer ce merde. Le coton-tige, enlève-lui le coton-tige. Et Max, comment est-ce que tu te nettoies les oreilles, hein? En Somitel, il y a... Avec un god. King Kamel. On l'a, Christelle, ou pas? Qui te dit... Non, elle est pas là. Tu devrais te faire couper les poils des aisselles, car apparemment, ça te gratte. Bon, n'importe quoi. Oui, bien sûr. Julia. Julia. Oui, je te demandais comment est-ce que tu te nettoyais les oreilles avec un code. Avec des contre-tiges, bien sûr. Hein, pas comme ce qu'elle était dire l'autre... mon ex, là. C'est Gérard. Oui. C'est Rita. Oui, Rita. Je voulais te dire. Oui. Bah, moi, je trouve que pour les shampoings, quoi, ne demande jamais conseil à Doc pour son shampoing parce qu'il a les cheveux très électriques. Hein. Ouais. Magne. Bon, c'est bon, Max, il est 3h20, t'as dit jusqu'à 4h, j'ai le temps, hein. Faut pas pousser mes merdes dans les orties, eh oh. Ouais. Bon, non mais, normalement, je dis c'est jusqu'à 4h, j'ai deux questions. J'ai entendu un truc qui a pas fait plaisir qu'à son animateur d'M6, c'est pas sympa. Olivier, s'il te plaît, c'est la troisième fois que je te demande de retirer ça. À mon avis, c'est pas la dernière, mais quand même, fais gaffe. Hein? Manu le gamin. Manu le gamin. Tu passes tes coups de fil perso. Ouais, là. Quand est-ce que tu nous remets un Tony ou un Arnett? Non, j'en veux pas deux, hein. Hop là, il y a Rosa qui est là. Bon, il y a Rosa, Gérard. Ah, Rosa. C'est Rosa, je trouve Technobank, c'est une super édition. Salut Tony, ok, au revoir Tony. Merci Manu, Tony. Au revoir. Au revoir, Tony. Va te faire enculer, Tony. Je déconne. Elle est dehors, Tony, dehors. J'aime tout ce que tu fais, Max. Non, c'est bon, t'as voulu me griller, Tony, je vais te griller. Suce-moi bien la bite, enfoiré. Ouais, c'est bon, là, les lèches-culs, on a... Bon, Lucie... Non, c'est si tu parles de lèches-culs, Gérard, c'est pas le dernier, hein. Ouais, bah, c'est bon, l'histoire. Oh, retourne chez toi et c'est bon. Alors, Lucie. Oui. T'as une question à me poser? Non. Non, pourquoi? Voilà, le larcin. Le débat, ça devient n'importe quoi, genre on arrête dans 2 minutes. Remets-toi sur le débat, là. Bah ouais, mais y'a qu'à... Hey, j'ai plus que 2 questions. Ouais, moi, j'ai une question. Est-ce que tu te laves les pieds souvent? Oui. Est-ce que tu as des croûtes entre les orteils? Non. J'ai une question. Est-ce que tu te coupes les poils du nez et les poils des oreilles? Non. Moi, je vois pas. Allez, 11e question. De toute manière, je pense qu'à 3h30, on aura fini. Hein. Ah bah non, on va faire la libre antenne. Hé, Gérard. Oui. C'est Estelle. Oui. Quel est ton plus gros fantasme? Se laver. se laver. Max, s'il te plaît, c'est pas à toi qu'on s'adresse. Oh. Punaise, oui. Là, ils sont charmés ou quoi, là, ce soir? Là, c'est même pas les nanas qui gueulent comme ça, ça doit être le truc qu'on va mettre tout à l'heure, ça doit être un... Moi, j'arrête. Un remix, hein. D'ailleurs, si vous voulez encore des expressions de Gérard, vous m'envoyez des cassettes, hein. Y a pas de problème. Non, attends, c'est bon toi là. Non mais pour Noël, les 40 premières cassettes, je veux bien refaire les expressions de Gérard, il faut les mettre. Avant. Il y a Crado sur le chat qui dit papa, c'est toi dans le poste. Pauvre Crado. Tu mets ça le double sens s'il te plaît, tu viens de l'allumer. Olivier. Gérard, t'as pas répondu à ma question. Ouais, mais Voilà, merci. Non, Olivier. Merci. Donc, tu me disais. Oh là là, sur. Oh là là, Gérard. C'est quoi ton plus gros fantasme? En quoi? Bah, avec une fille. Alors. Tout ce qu'elle peut aimer. Pour l'instant, c'est moi qui mène les débats. Tout ce qu'elle sait faire, quoi. Tout ce qu'elle peut aimer, Gérard, je puisse y apporter. Non, mais c'est pas ça. Admettons, par exemple, il y a une fille qui vient te voir et qui te dit, Gérard, dis-moi ce qui te ferait plaisir, je te le fais. Oh là là, faut pas me dire ça à moi, en tout cas. Hein. Alors là, c'est très compliqué. Laissez-le répondre, Vas-y, réponds. Donc déjà, c'est de me faire des bisous. Ah, sur la bouche, bien sûr. Avec la langue. Oui. Oui, non, mais c'est un tout petit fantasme, ça. Ouais, mais après c'est la suite. Après la suite, c'est dans le lit. Bah non. Et qui c'est qui? C'est qui là qui joue comme ça là? Qui c'est qui est en train de jouer? C'est Tony. C'est peut-être Tony ou Arnett, en fait. Non, c'est moi qui m'attends. Ouais. C'est bon, Colombe, je t'ai répondu. Ouais, en gros. Enfin, t'as pas détaillé. Hein. Ouais, mais. Avec ça, j'en sais pas long. Ouais, mais après la suite, ça se passe dans le lit. Ouais, mais justement, c'est la suite qui m'intéresse. Ben, tout ce que je préfère, les fellations, tout. Ah, quand même. Ben, ah, oui. Gourmand, hein. Est-ce que tu aimes quand on titille les seins? Oui. Hein? Qu'est-ce que tu m'as demandé là, Estelle? Est-ce que tu aimes quand on titille? Non, c'est pas Estelle. Hein. Oh. Celle-ci, tu viens de me poser cette question là. Cette question là. Ouais, ben, Lucie. Est-ce que tu aimes quand on te titille les seins? Ouais. Donc. Essaye, là, puis dis-moi si tu aimes. Bon, attends, essaye, c'est marrant, t'as qu'à me dire. Ah, non, Max, c'est lui. C'est bon, prends par un mec, par une nana. Hein, okay. Non, Olivier, c'est ta première série. Tu fermes les yeux, tu le fais tout seul. Gérard, on accueille Robin. Salut, Robin. Salut, Robin. Salut, Francky. Olivier, la double sonde de gueule. T'as une voix de femme, tu veux dire. Ouais, double son, c'est bon. C'est pas de moi, hein. Allez, tapette, vas-y. Gérard? Oui. Gérard, tu m'excites. Jean-Paul Gaultier. Ouais, je vais te dire, est-ce que Christine avait de beaux cheveux? Non. Elle avait pas de cheveux. Gérard, elle avait pas de beaux cheveux? Arrête, Olivier. Olivier, ça commence à bien faire, cette connerie, d'accord? C'est plein de double son, j'arrête. Allez, conclusion. Non, Gérard, réponds à ma question. Il est vachement bien ton débat, continue. Allez, continue. Gérard, réponds à ma question. Ouais. Est-ce que Christine avait de beaux cheveux? Non. Pourquoi? Elle n'avait pas de beaux cheveux, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle avait de bien, enfin? Rien du tout. De manière, je veux plus parler d'elle. Est-ce qu'elle a les cheveux gras? Je ne veux plus parler d'elle, donc je ne répondrai pas, je ne continuerai pas de répondre à cette question-là. Non, parce qu'elle a dit que t'avais les cheveux gras. Ah, non. Mets ta coton-tige dans son cul. Oh, Olivier, bon de Dieu. Je fais un remix avec cette phrase. Hein. Ça commence à bien faire tous les jours. Hein. Arrête, Olivier, s'il te plaît. Demain, s'il te plaît. Ah, non. J'arrête, Max. Avec ta coton-tige dans son cul. Conclusion. Non, ça s'est terminé, moi, j'arrête. Non, j'arrête, parce que là, maintenant, ça va être le nouveau jeu. On a encore tous les soirs. Mais nous, on n'a rien à voir là-dedans, Gérard. Non, c'est un problème de satellite. J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu aimes t'éclater les boutons dans le dos? Qui? Qui pose cette question? Tu sais, des fois, t'as des gros boutons blancs. Est-ce que tu aimes quand on... Qui c'est qui pose cette question? Lucie. Oui. Est-ce que tu aimes quand on t'éclate les gros boutons blancs que t'as dans le dos, des fois? Ah non, alors non, pas du tout. Hein. Et avec le cul qui sort, ils font des pizzas, là. Il y a Falbala qui dit sur Minitel que Gérard, c'était pratique quand il sortait avec Christine, parce que quand elle se mettait sur lui, ça éclatait tous les boutons du dos. N'importe quoi. Avec le poids. Ouais, bah, bon, ouais. Enfin bref. Donc la 11e question, comme... Oui. C'est Rita. Oui. J'ai une petite question. Oui. Je vais te dire mon petit chou. Oui. Est-ce que ça me vient que les femmes portent des dessous sexy? J'en ai déjà parlé. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. J'ai dit oui. Mais de quelle couleur? Quelle couleur? N'importe. Sauf noir. Ah bon? Pourquoi? Gérard, je porte que des dessous noirs, moi. Qui? Estelle. Non, c'est pas grave. Je porte rien. Gérard. C'est pas grave. Salope. Oh, c'est bon, Max, tu traites pas Estelle de salope, hein, quand même. C'est pas Max, là, c'est quelqu'un d'autre. Max, c'est l'inconnu. Ouais, c'est encore l'inconnu. Ouais, c'est inconnu toi, encore. Je protège. Ouais, vous savez? Non, bah, c'est personne. Il y a pas un mec, là, c'est bizarre, tu m'as dit qu'il y avait un mec. Ah bah il y a Robin. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est pas lui, hein, et pas lui. Non, ouais. Moi je suis là, GG. Hein. Gérard, j'ai encore une question à te poser. Oui. Est-ce que quand tu t'appuies sur la narine très fort, il y a du liquide blanc qui sort? Non. Il remonte jusque dans le nez après la loco. Donc c'est comme des petits verres. Eh Manu, rappelle Christine, on va l'appeler là, non? Ah ouais. Non, c'est bon. Tige dans son cul. Ouais, ouais, Ouais, Olivier. Non, non, c'est pas Olivier, c'est... Tu me vires le mec du standard, là. Et tu m'appelles Will Smith, s'il te plaît. Tu vires... je sais plus qui y avait, là, bah tu le vires. On rappelle Christine ou pas, non? Non, c'est lui. On rappelle. Quand c'est dit le mec... Ouais, on rappelle. Non, non, moi j'ai dit non. Non, non, c'était pas lui, hein, le mec qui a dit ça, je l'ai viré, ça c'est Tony, il est bien. Tony, il est bien, ça serait. Non, non, mais de toute manière, tu l'appelles, c'est même pas la peine. Si tu l'appelles, hey Max, je te préviens que si tu l'appelles, j'arrête le débat tout de suite. Hein. Je retire le casque et je me casse. Ah non, non, on va avoir des précisions sur les. Bon, bah alors appelle-la, appelle-la. Ah ouais, ben, dans ce cas-là, je me casse. Ah ouais, justement, alors vas-y, appelle, qu'est-ce que t'attends, Manu? Gérard, est-ce qu'on pourrait avoir Christine parce qu'on voudrait que vous régliez les comptes en direct, hein. Parce qu'elle nous a dit que t'avais des cheveux gras, que tu te lavais jamais, Etc. Donc nous, on veut que tu nous répondes, on exige des réponses. Christine, toutes les vérités sont bonnes à dire. Ah bah toi, tu as dégagé, si Christine arrive comme ça, ça va être vite fait pour toi. Gérard, comme t'es une star du show business, faut que tu nous expliques, on a besoin de savoir. Eh bah attendez qu'on l'appelle. Ah ouais, voilà, c'est cool. Ouais. Et on vient le mettre, on va mettre un disque. Le numéro. Ouais, mais on met un disque, en attendant, on va mettre un remix. Ouais, voilà, comme ça, nous, on va avoir des réponses. Ah non, mais en attendant qu'on l'appelle. Ok, moi j'ai plein de questions à poser à Christine, je veux tout savoir. C'est qui? Ben, c'est Julia. Mm-hmm. Moi aussi, moi aussi, je veux pas. Non, mais toi, tu as dégagé. Moi, ça. Faire, c'est Tony, je veux pas. Non, non, bah Tony, bah tu vas te démerder Gérard, avec elle alors. Oui. Gérard, parce que c'est Rita. C'est mon petit ami journaliste à Paris Match. Et donc, comme ça, je pourrais faire. Menteuse, t'es vierge. Comment? Max? Non, non, mais c'est rien. Oh, mon meilleur pote, il fait une émission sur M6. Elle l'a plus, tu dégages, au revoir. Bon, et Max, on peut mettre un remix là? Ouais, mais là on appelle Christine, c'est parti. Bah ouais, mais on maniez-vous. La vérité est ailleurs. Ça, tu me le retires, d'accord? De toute manière, elle est dans un foyer, hein. Allô? Dans un foyer? Allô? Allô? Pourrait-on parler à Christine, s'il vous plaît? Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non? Mettre un coton-tige dans son cul. Bon, tu me retires. Non, mais là, Max. Tu viens me retirer ce cirque là qu'il est en train de me faire, d'accord? Ou sinon j'arrête l'émission. Voilà, attendez, on recommence. Rappelle Manu, refais le numéro. Ok, on y va. Je demande là parce qu'on n'entend rien. Allez Gérard, parle-lui. Mais attends, Et on veut. Silence, écoutez. Silence, c'est Gérard. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non? Mettre un coton-tige dans son cul. Non, mais attends, pour l'instant, il est en train de faire des conneries. Hein, puis l'autre, l'autre à la peau. Manu, il remet sans arrêt le truc. Olivier, tu arrêtes, s'il te plaît. On recommence. Manu, tu fais le numéro. Et s'il te plaît, le vrai numéro. Gérard, vérifie qu'il donne bien le vrai numéro. On y va. C'est parti. Non, mais attends, il s'amuse avec toi. Non, t'arrêtes, Olivier. Allez, vas-y. Ah ouais, mais il l'a pas, le vrai, alors, en plus. Mais si, appelle. Vas-y, appelle. Gérard, installe-toi, attention, on va y aller. Gérard, on va t'asseoir. Branchez vos magnéto. Mets un coton-tige dans son cul. Alors, de manière, il l'a pas appelé, c'est Olivier qui recommence. Donc voilà, il est 3h. Mets un coton-tige dans son cul. Voilà, il est 3h30. La conclusion du. Mets un coton-tige dans son cul. Mets un coton-tige dans son cul. Eh bien, ça se trouve, Gérard, c'est. Mets un coton-tige dans son cul. Moi, j'arrête, tiens, mieux, bonne nuit. Bonne nuit. Mets un coton-tige dans son cul. Bonne nuit. Non mais là, ça l'a amusé de dire ça. Mets ta coton-tige dans ton cul. Le fan de la radio. Alors on demande mon salut. Mets ta coton-tige dans ton cul. Conclusion du débat. Non mais non. Conclusion, c'est terminé. Oh non! Non, on n'entend pas. Tant que vous arrêterez pas avec ces conneries, que Olivier ne fasse pas un double saut. Mets ta coton-tige dans son cul! C'est bon, Jacques Gérard, c'est le retour du vrai Gérard. Non, non, mais non, là ils le remettent donc. Gérard, mais on n'a pas la vraie Christine en direct? Non. Bah pourquoi? Non, parce qu'ils veulent pas l'appeler, et comme elle est dans un foyer... Non, mais elle est dans un foyer, alors... Est-ce qu'on peut repasser la phrase une dernière fois? Non! Toi, tu dégages! Allez, hop, c'est bien, tu me le vires! Bon, allez, hop, conclusion du débat. Gérard, est-ce que tu manges tes crottes de nez? Non. Oh, bien sûr. Bon, le mec, Manu, s'il te plaît! Manu, s'il te plaît, tu me dis, il y a que les filles, là. Ouais, moi, je veux faire ma conclusion. Qui c'est? Alors, j'ai... Linda, conclusion du débat. Conclusion du débat, Linda. Mais il est 3h30. Bah oui, bah. Avec la cotentise dans son cul. Ouais. Je pense que ça va bien, arrête tes conneries, toi, maintenant. Il y a un blanc. Linda, conclusion. Happy birthday to d'accord. You. Julia. Happy birthday to you. Julia. Happy birthday to you, Gérard. Julia. Happy birthday to you. Julia. Bon, tu mets, ça, je veux plus l'entendre le soir, sinon je viens plus, je viens pas jeudi. Non. Un ultimatum? Certes. C'est un ultimatum? Oui. Et toi, tu vas arrêter de le passer quand je demande les conclusions. Julia. T'es sûr que tu veux qu'on fasse la conclusion aussitôt? Parce que si vous voulez faire une libre antenne, vous y allez alors. On va mettre le remix. Mettre un remix. Allez, un remix. On revient juste après pour la fin de la radio libre, Fun Radio du Star System et de Gérard. Voilà. Elle a la cotentise dans son cul. Non, je préfère prévenir tout le monde maintenant. C'est clair et net. Tout CD, tout cassette, CD, remix sur mon compte sera sanctionné. Tenez-vous sur vos gardes. C'est fin septembre, j'entends encore une connerie sur mon dos. Bol là. Oh. Oh, Gérard. Non, je t'ai prévenu. Ah, mais ça va mettre à chaque fois le. Ah, pardon. On a fait des remix sur toi. Voilà. Voilà, je préfère prévenir tout le monde maintenant. C'est clair et net. Tout CD, tout cassette, CD, remix sur mon compte sera sanctionné. Alors, de monsieur, moi j'en suis tous les matins. 12 millions, 764 000. 1h30. Tu me retires ça maintenant, ça commence à me faire là, cette histoire. Alors ça commence à bien faire maintenant. Donc on récupère Estelle, Lucie, Rita, Julia et Linda. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Il y a Pierrot et puis Tony aussi. Ouais. Bonsoir Pierrot, bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Gérard, tu remarqueras que quand même Tony, il a été cool hein, ce soir. Ouais. Pour une fois. J'ai fait rigoler. Hein. Ouais. Je te remercie Gérard et toute l'équipe hein, parce que là, c'est... Comment va ton cochon? Tu vas encore dormir 3 heures, mais bon, ça vaut le coup, franchement. Ah, séquence émotion. Ok. Bon, donc, si vous avez des questions à poser, je peux y répondre maintenant. Ou sinon, on va faire quand même la conclusion du débat, là.